Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Charles-Antoine Rioux nous traînera de War avec la chronique plein air du Club Plein Air QTR et on goûtera la malbouffe de la semaine dans mon segment de grosse pointe tendresse. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce mardi 4 novembre 2014. Oui! Yay! Aujourd'hui, Steph, on a une émission surchargée de contenu incroyablement intéressant, alimentaire, entre autres. Oui. On dit pas tous les. On vole pas les punchs dès le début de l'émission, hein? T'sais, ben non. Mais je tiens à dire que je me suis. Tu sais, j'ai quand même pensé au concept. Mais sa plus simple expression, ça va être aussi alimentaire. OK, donc là, on base, parce que moi aussi, mes chroniques sont aussi alimentaires. Les miennes à moi. Okay, ben oui, je le sais. Fait que si notre invité n'est pas là, ça va juste tomber à terre. Pourquoi il ne serait pas là? Ah, parce qu'ils ne sont jamais là. Mais bref, on a un invité surprise pour vous. On garde ça secret pour le reste de l'émission. Puis s'il n'est pas là, ben, on va faire comme si c'était jamais arrivé. Comme on fait parfait. Super! Mais le reste autour de ça va être très alimentaire. Tes chroniques, mes chroniques. On va avoir un son foutu palmarès alimentaire tantôt sur la pizza. Oh! Ouais, on a aussi ma chronique Une grosse pointe en dresse où on goûte à quelque chose que j'ai jamais goûté. Puis je te le fais goûter. C'est parfait. C'est-tu ta graine? Hey boy! Mais je suis sûr, tu y as jamais goûté. Non, je sais pas. T'es pas assez souple. Hey, ne me sous-estime pas. On me dit très, très flexible dans ma vie. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle est longue aussi. Aussi, et large. Parce que là, ça aurait l'air bizarre si c'était juste un genre de spaghetti. OK, il est quelle heure, là? 7h39, ça a de l'allure. Ouais. T'as le grain à 7h39, ça a de l'allure. C'est comme en camping. À partir de 8h, t'as le droit de boire de la bière. Ah, ça, je savais pas ça. Fait que c'est assemblage requis. Tu auras de parler de sexe à partir de 7h38. Et parlant de l'extérieur, Charles-Antoine Rioux avec sa chronique du Club Plein Air QTR, ça s'en vient à 8h. Puis lui, il nous parle-tu de la bouffe? C'est bon. Peut-être que c'est un hasard. Les choses, des fois, se font tellement bien dans la vie. Ça on va faire un spécial spark. Mm-hmm. On va se coller pour se réchauffer en cette température froide avec Oli Laroche. Voici Enveloppé ensemble. Bonne émission. Pas qu'on se colle nous autres. Pas nous autres. Ah, OK. Alors Holly Laroche. Et sa nouvelle pièce enveloppée ensemble, deuxième extrait de l'album Pop Louche. On se rappelle tous de sa première pièce. Elle était un succès rupture jusqu'à la semaine passée. Mais on a quand même. Qui a eu une rupture la semaine passée? La pièce avec le palmarès, faut bien croire. Oh! C'est si triste! Aujourd'hui, c'est l'émission où on parle beaucoup de bouffe. Le mardi, ça donne que c'est pas mal comme ça. Aujourd'hui, particulièrement. Alors, allons-y avec une liste dans son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, Stéphanie, c'est alimentaire parce qu'on parle de brevets de pizza. Yay! Des brevets de pizza. On a parlé de brevets de cercueil dans le passé. Attends un peu, des brevets de pizza? Ouais. Brevet pizzeria. Non, c'est pas ça là que t'as non, non, j'ai juste... On dirait que j'ai juste compris ce que tu disais, puis on dirait que ça fait pas de sens pour moi, un brevet de pizza. Ben, pourtant. Mais pourtant! J'ai bien hâte de voir ça. Le roi du brevet, comme dirait Brevet Pizzeria. Certains gens pourraient penser que la pizza est parfaite et n'a pas besoin d'être améliorée. Hein? Mais heureusement, pour de la race humaine, il y a des inventeurs qui se penchent sur le phénomène de la pizza. Exactement, qui déposent des brevets au US Patent Office. Ils sont remplis d'idées, ces gens-là. Donc, ce sont des idées, des exemples d'applications de brevets qui ont été soumises. Commençons par la boîte à pizza musicale. Ça doit être aussi fascinant que les cartes de fête musicales. C'est le même principe. C'est le brevet US 87-2690B2 qui a été approuvé d'ailleurs. Donc, une boîte de pizza qui fait de la musique quand vous l'ouvrez, bien sûr. Donc, la boîte est pliée pour former une boîte de pizza. Il y a une micro-puce montée sur une petite plaquette et le couvercle passe d'un état fermé à un état ouvert et le mécanisme d'activation est enclenché, ce qui va faire qu'un message audio enregistré sur la micro-puce va être émis par un haut-parleur. Fait que ça va être de la pub, finalement. Ça va être de la pub pour probablement le commerce où tu as déjà acheté de toute façon ta pizza. C'est ce que j'en comprends. La livraison de pizza est populaire, évidemment, chez tout le monde. Par exemple, lors d'une partie de football, peut-être du Super Bowl. Donc, encore une fois, peut-être des publicités du Super Bowl qui pourraient jouer. Tu pourrais avoir une pub pour Doritos pour te dire « Va t'acheter un sac de Doritos, mettons. » Dans ta pizza... Peut-être. Ça va bien ensemble, des ailes de poulet ou peu importe. Ouais, moi je serais du genre à essayer de péter la petite puce avant d'ouvrir ma boîte de pizza. Et en plus, ça doit être encore plus difficile à recycler avec ça dedans. Faut que tu enlèves tout le... Mais tu peux déjà pas recycler ta boîte de pizza. Parce que c'est tout graisseux. Ben, parce que c'est ça. Tu peux pas recycler quelque chose de souillé. Mais j'ai vu bien des boîtes de pizza avec un genre de papier d'aluminium qui recouvre la boîte en dessous. J'imagine que si t'enlèves ça, ça devient recyclable de carton. Si, mais si elle est pas souillée, oui. C'est là, ça, mais déjà, c'est difficile là, de recycler ça. Ah ouais, ça va faire un long bout de chemin. Ça. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, comme on dit. Hein. Deuxième, c'était, ça avait même pas de sens. Cette ben non, ensuite, ta pointe de pizza, quand mettons tu commandes une extra large là, à 12 pointes, là, les pointes sont beaucoup trop grosses, puis tout le monde veut pouvoir se partager un amuse-bouche, un amuse-gueule dans une petite fête, un rassemblement. Donc il te faut évidemment ce truc triangulaire, en fait pyramidal ou presque, pour te faire des mini pointes de pizza avec ta pointe de pizza de grandeur normale. Okay. C'est le brevet américain US 2012-006-0373-1, bien sûr. Hein? Donc un appareil qui transforme ta pointe de pizza en de multiples pointes de pizza. C'est vraiment comme un genre de... En mini-pointe, en tout petit triangle, un peu comme on ferait avec des biscuits. Donc, c'est un triangle en tant que tel. Et dans le triangle, tu as plusieurs petits triangles. Et puis, ça te fait... tu perds rien en passant. Il n'y a pas de retaille de style à avoir avec ça. C'est rentabilisé toute la pointe au complet. Comme des petits morceaux assez mignons. Après ça, tu prends des cure-dents et puis tu les sers dans ton rassemblement de gens, ça. Mais c'est fait en quoi, ça? Je crois que c'est fait en plastique, c'est pas spécifié, mais d'après moi, ça doit être fait en plastique. Ça fait que ça doit pas couper. Ouais, peut-être pas. Parce que même quand tu passes ta roulette, là, la pizza, là, des fois, ça coupe même pas du premier coup. C'est vrai, ça dépend puis, de la texture. Puis tu roules. Mais c'est ça. Et là, si tu fais juste appuyer un truc de plastique, tu vas juste effoirer ta pizza. Mais espérons que si le brevet avait vraiment été utilisé, qu'il y aurait eu des versions avec des petites lames en dessous, je sais pas. Mais même à ça, si tu fais juste appuyer, ça va pas trancher. Mouvement de va-et-vient, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est ça. Et faut pas non plus oublier le fait important qu'une fois qu'ils sont coupés en petits triangles, tu peux pas revenir en arrière. Il y a pas de gadget pour recoller des triangles. Mais c'est tellement pertinent ce commentaire-là. C'est bien. Ensuite, vous avez sûrement déjà vu ce genre de truc-là. C'est une paire de ciseaux avec une surface sur laquelle ta pointe de pizza va être va pouvoir tenir. Donc, tu vas pouvoir couper ta pointe de pizza et elle finit dans un rack. En fait, je crois que Ricardo a ses ciseaux à pizza. Tu vois. Ouais. Donc, lui a sûrement utilisé le brevet américain US-293-45-17-1. Peut-être, mais au Canada, bien sûr. C'est peut-être pas pareil. Sûrement pas. Donc, une paire de ciseaux qui tranche votre pizza en pointe, ensuite lève, sépare et ensuite transporte votre pointe vers votre assiette. C'est merveilleux. Ah! Ça fait tout plein de tâches en même temps. C'est comme si tu as une main de libre, tu peux te commander une autre pizza avec ton autre main. Ah ben oui. T'en même non, pas. Ça pourrait être utile. Pas pire, hein? Ouais. Ensuite, Pizza Hut, son brevet pour un Mobile Pizza Making Assault Vehicle, donc un véhicule d'assaut fabricant de pizza. Un food truck, finalement. Un food truck de Pizza Hut avec un brevet qui a été exaucé, qui leur a été accordé. Donc, c'est un camion équipé d'une cuisine qui se promène dans le quartier et puis fabrique des pizzas en temps réel. Pizza est très populaire, bien sûr, Pizza Hut. Et c'est bon de l'avoir le plus rapidement possible parce que ça prend pas 10 minutes que c'est plus mangeable d'habitude, la pizza. Bon. Mais en vrai, je comprends pas ce qu'il y a de unique dans ça parce que des camions qui font du manger, ça existe. Là, oui, tout à fait. Parce que normalement, quand t'as un brevet, le temps de son existence, les autres peuvent pas reproduire le produit, l'idée en tout cas. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a de unique qui peut pas être reproduit là-dedans. Je me le demande vraiment moi aussi. En fait, j'en ai aucune idée. Ça ne le précise absolument pas dans l'article. J'imagine que c'est une... je sais pas. Parce qu'on crée de la pizza, on la garde au chaud, on va la livrer. Peut-être que c'est le fait d'avoir un livreur de pizza qui a... Tu sais, parce qu'un food truck, c'est dans une rue, c'est stationné là, et ça fait la pizza, puis ça s'en va. OK, mais lui, il se promène pour aller porter les pizzas, c'est ce que j'en comprends dans l'article. C'est évidemment mon pouvoir d'analyse de cet article-là, parce que c'est pas tout à fait clair. Ensuite, de la pizza décorative. Ici, c'est une pizza qui ressemble à un yen, l'animal, le yen. Donc, le fromage est disposé sur la surface pour que le fromage, une fois fondu, vienne couvrir la surface du haut et ait l'apparence de la fourrure de l'animal. Ensuite, on va mettre le pepperoni par-dessus ça, je crois, à la tête de l'animal pour que le pepperoni ait l'air d'être les yeux de l'animal. Et des olives noires vont être déposées par-dessus le tout sur la tête de l'animal pour que ça ait l'air d'être son nez. Hein? Et les champignons sont disposés ensuite pour avoir l'air d'être des marques sur la fourrure de l'animal. Donc, c'est juste pour le plaisir de faire une forme de pizza. Un peu comme on ferait une forme de gâteau, peut-être. Ou une Il y a eu une demande de brevet là-dessus. Bien sûr, la demande numéro US-290-23-89-24-A1. Hey, ça peut bien être long avoir une réponse à ta demande de brevet. As-tu vu toutes les idées de marde tant qu'il envoie? Les champignons sur son dos, puis ça. Puis là, tu sais, en plus, cette forme-là est un petit peu comme générique. Ça pourrait quasiment être aussi un moule pour un chat. Tu pourrais faire un moule de chien, un moule de cochon. Ça pourrait pas être une vache, par contre? Non. Parce que ça prend un pied. Ça peut pas être un cochon. Il n'y a pas de petite queue en tire-bouchon. Puis, t'as bien raison. Ça n'a pas une tête de cochon. Sa petite queue, ça pourrait être quelque chose, une autre garniture que tu rajoutes, mettons, des piments jalapenos tortillés. Ça pourrait être ça, sa queue, à l'arrière. Mais non, voyons donc. On sait pas. Mais non, ça va être clairement une frite en spirale. J'avoue. Ici. Ben oui. Voyons. Je sais pas pourquoi j'allais chercher plus loin que ça. Ben, franchement. Ah, la pizza améliorée est toujours dans la liste des brevets de pizza. Ben, c'est facile, tu mets du bacon. Ben voilà, ça améliore toutes les recettes. Le brevet numéro EP182042A1. C'est une pizza où la croûte te crache dans la face. Quoi? Non, pas littéralement te crache dans la face, mais crache dans la face des traditions américaines. OK. Non, mais laisse-moi finir ma phrase. Tu rachètes sa sauce dans ta face. Ah ouais, mange-moi. Donc, le centre de la pizza devient une grille. Tu vois, dans l'image, devient une grille. L'objectif est de présenter donc une pizza améliorée qui serait d'incorporer une grille dans la pâte par-dessus les composantes de la vraie pizza, les empêchant donc de renverser sur les côtés. On appelle ça une croûte. Ça empêche de renverser ses côtés, non? Oui, je sais, mais il y a comme une grille dans le milieu de la pizza, c'est ce que je comprends pas. Donc, OK, je comprends. Chaque pointe de pizza est comme entourée de croûte. Ouais. Genre, la croûte comme entre chaque pointe. Puis c'est quoi le rapport avec la grille? C'est une sorte de... Je pense que c'est comme... Si je comprends bien la figure, OK? Encore une fois, je suis pas super intelligent en ce moment. Non, mais je comprends pas. C'est comme ovale, là. Ben, la pizza, dans le fond, est ovale à la place d'être ronde. Okay? À moins que ce soit parce que la pizza est comme penchée. Ben, puis là, c'est... Peut-être. Mais c'est qu'il y a une grille dans la pizza et la grille est composée de multiples croûtes. Tu comprends ça? Donc, la garniture, ce que je comprends, ne renversera pas à l'extérieur de son périmètre donné. C'est ce que j'en comprends. OK, fait qu'il faut que tu coupes comme dans le milieu de la croûte. Genre. Hey, c'est compliqué. J'pense. Mais c'est des brevets. Les brevets, ça n'a jamais été simple. Y a-t-il un mode d'emploi qui vient avec ta pizza? Non, mais il y a un lien vers le document du brevet en tant que tel. Mais c'est parce que tant qu'à ça, fais des mini-pizzas. Ouais. Ton problème va être réglé. Donc, ça dit une pizza améliorée caractérisée par le fait qu'une grille de pâte va se lever à partir de la base de la pâte. La grille va complètement couvrir la surface de la pizza occupée par les composantes. En tout cas, on va abandonner le projet, je pense, mais il y a le lien vers Google et toute la grille au complet du brevet en grand détail. Ensuite, le cornet de pizza, Steph. Le cornet de pizza? Le cornet de pizza, c'est comme un cornet de crème glacée. Ouais. Mais en pizza? Mais en pizza à la place. C'est exactement ça. Le cône, évidemment, la forme du cône est une forme particulièrement solide. C'est pour ça qu'on l'utilise, entre autres, pour la crème glacée. Quand la crème glacée, ça s'écroule rarement. Oui, pour les cônes oranges. Les cônes oranges, exactement. Le nez du Concorde, apparemment, l'édifice, le Concorde. C'est ça, l'édifice, je crois, le Concorde? Il me semble. Oh, on a tous les deux perdus là-dessus. On a tous les deux complètement perdus. Le soutien-gorge de Madonna. Oui. Bon point. Bon point. Moi, je veux savoir c'est quoi le Concorde. C'est un hôtel. C'est pas un resto? Le resto. Ah, je pense que c'est un avion aussi. C'est un avion. J'ai vu la photo de l'avion. Il y a plein de choses qui s'appellent le Concorde. Il y a un compte comme nez. Fait que je pense que c'est ça. En tout cas, c'est correct si tes propos concordaient ensemble. Oh, drôle. Non? Donc, c'est ça. Et on fait la pizza dans le cornet. Ensuite, le sandwich à la pizza. OK. Salut, c'est la pizza. Donc, une invention. Un calzone? Pas mal ça, un calzone. Donc, une première tranche de pain et une seconde tranche de pain. À l'intérieur, on va mettre les ingrédients d'une pizza. Donc, l'invention, ça ne sert pas à grand-chose. Vaut pas la peine d'être breveté, mais quand même, ça ressemble à ça. Mais c'est quand même un calzone. Ça ressemble à ça pas mal. OK. Pas mal ça. Pas besoin de brevet pour ça. Et finalement, un bol à pizza sans pâte. Qu'est-ce que ça veut dire, un bol à pizza sans pâte? Ben, c'est que c'est probablement pas vraiment une pizza. Hein? Non. Quand même pas. Effectivement. Donc, on prend les mêmes ingrédients et on se dit que la pâte mène à du gain de poids. Ça fait prendre du poids, du pain, nous dit-on. Donc, pour perdre du poids, mais quand même pouvoir manger de la pizza, on va éliminer le pain de notre diète et on va à la place faire la pizza dans un bol. Donc, tu vois, les numéros des ingrédients, ça ne dit pas à côté lesquels que c'est, mais je pense qu'on peut comprendre que ce serait des morceaux de pepperoni sur le dessus. J'imagine la sauce au milieu. Je ne sais pas ce qu'on met en dessous. Quelque chose qui doit imiter un peu de la pâte ou je ne sais pas trop quoi. Ça doit être le fromage. Peut-être le fromage au fond. Mais et déjà, c'est complètement ridicule, là, parce que déjà, les produits céréaliers, tu veux dire, faut en manger de toute façon. Mm-hmm. Puis après ça, tu viens pas me dire que le salami puis le fromage, c'est pas engraissant, là. Je veux dire, si tu veux manger de la pizza, mange-en une vraie, puis attends un peu avant d'en manger, tant qu'à manger du dip de pizza. Exact. Donc, on dit dans la recette, sur le lien Google qui est sur assemblagerequis.com, c'est donc de choisir son contenant, ajouter une mesure prédéterminée de sauce à pizza dans le contenant, ajouter ensuite du fromage par-dessus la sauce à pizza, ajouter des garnitures additionnelles, placer le contenant avec les ingrédients dans l'appareil de cuisson, faire cuire pour une durée prédéterminée, à une température prédéterminée, enlever le contenant de l'appareil de cuisson, permettre de refroidir un peu et manger. C'est la recette de... Oh, mais ça fait quasiment comme une soupe. Ouais. Ou une poutine à la pizza, je trouve, vraiment. Ouais, si mais c'est-tu dedans, ce qui pourrait être une bonne idée? Quoi donc? Ça pourrait être un dip à pizza. Tu sais, un mélange de fromage, de sauce, oui, puis de pepperoni, puis tu trempes des morceaux de croûte dans ton dip de pizza. Ça me rappelle, chez Pizza Hut, qu'il y avait la croûte farcie au fromage et garniture. Là, c'est comme l'Extreme Stuffed Crust, il y a quelques temps. Je sais pas s'il y avait ça au Québec, mais dedans, t'avais des morceaux de pepperoni, de saucisse, de bacon, puis de différents fromages dans ta croûte. C'est pas de ça que je parle. Non, je sais, mais c'est le même genre de mélange de saveurs que tu peux faire. Tu sais, les autres, c'est dans la croûte, mais tu pourrais le tremper ça, dans... Si tu fais un dip, ben oui, tu trempes ton pain dedans. Je trouve que c'est très similaire dans le goût, mais bon. Ben, c'est sûr, ça reste une pizza pareille. Ben, c'est sûr que c'est similaire dans le goût. Ben oui. voilà, donc c'était la liste des brevets de pizza. dans les États-Unis d'Amérique. Fait qu'il y avait combien de bonnes idées là-dedans? Ben, deux. Attends. Le troc, peut-être? Les ciseaux? Oui. Puis c'est pas mal ça. Moi, les petites pointes de pizza en triangle, si ça pouvait marcher, s'il y avait vraiment une façon que ça fonctionne, je trouve ça cool pareil, tu sais. L'idée. Ouais, mais tu peux quand même prendre ta roulette. C'est quand même quelque chose qui est très à mode de faire des pizzas rustiques, si on veut. Tu sais, t'étends ta croûte sans vraiment te soucier de la forme. Quand même quelque chose de rectangulaire, tu sais, avec des coins peu définis. Et tu la coupes en plein de petits carrés, parce qu'elle est déjà rectangulaire, fait que tu fais juste plein de petits carrés. Fait que t'as pas besoin du petit outil en triangle qui coupe probablement pas. Sûrement pas. Puis t'as juste à couper en carrés, puis ça fait des amuse-bouches pour tous. C'est parfait, puis tu sais, pour un 5 à 7, un 6 à 8, peu importe. Mettons. Si jamais il y a quelqu'un qui organise un 6 à 8 dans peu de temps, mettons ça, jeudi, ça pourrait être une idée. Des pizzas coupées en petits morceaux comme ça. On dit ça de même, là, c'est, mettons, juste jeudi le 6, mettons, novembre 2014. Au hasard. À la Chasse Galerie, mettons. C'est tout. Trop loin. C'est tout pour notre chronique sur Foutu Palmarès. On fait ça quand ça adonne. Dans quelques instants, c'est la chronique plein air de Charles-Antoine Rioux. Ben, c'est parfait, ça. Mais hein, c'est parfait. C'est pas de la pizza, mais c'est à deux poils près, hein? Deux poils de poilu près. Assemblage requis dans deux minutes, très bien. Fou de transformation. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi matin 4 novembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On interrompt nos discussions sur la nourriture et la bouffe. Même si cet homme est clairement, je sais pas, de l'appétit mangeable. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire avec ça, mais ça serait de toute façon déplacé complètement. Tu t'en vas où avec ça? Je sais pas, je m'en vais dans le bois, mais on va me cacher. Voici la chronique du club plein air UQTR. Enfile tes skis. Ou tes baguettes de pain pour être culinaire, genre. C'est vrai. Si les skis, c'est des baguettes, c'est quoi une bâton, là? Si tes skis, c'est des baguettes, c'est quoi tes bâtons? Non, mais hier, il y avait un pays où ils fêtaient la fête du melon, puis ils se mettaient des melons dans les pieds pour descendre des côtes. Ça pourrait être des melons. Il les mangeait-tu après? Ben, j'espère, faut pas gaspiller. Non, il manger avant. Ouais. J'espère. Manger à l'intérieur, moi, puis avoir juste comme la coquille, c'est vrai. Puis là, dans ce cas-là, si tes skis sont des melons, ben, je sais pas, t'as des pailles ou des cuillères ou des trucs comme ça. Mais ça pourrait être tes baguettes de pain. Baguettes là. De pain. Ouais, ouais, c'est bizarre, c'est un drôle de mix. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de bouffe avec toi. On parle d'extérieur, de dehors. De dehors, quoi qu'on arrive à parler de bouffe. Ça pourrait être en fait la thématique de la prochaine capsule. Okay. Mais non, aujourd'hui, la capsule, la chronique du Club de plein air va porter plus sur l'aventure douce. Parce que souvent, les gens vont, quand on dit plein air aux gens, on a souvent en tête des disciplines sportives. Mm-hmm. Si on pense à du kayak, on pense à du rafting, on pense à la randonnée des pédestres. Mais le plein air, en fait, inclut beaucoup plus large que ça. Puis, on peut même classifier les activités en deux grandes catégories, si on veut. Il y aurait l'aventure dure ou l'aventure plus forte, puis l'aventure douce. Dans l'aventure forte, c'est vraiment les disciplines qui sont les plus classiques, comme on aimait, bon, rafting, randonnée pédestre, plus sportives, qui demandent plus d'activité physique, puis qui inclut en fait un petit facteur de risque, ou besoin plus élevé. Mm-hmm. L'aventure douce, on tombe beaucoup dans... Le barbecue, mais juste dans le bois. C'est parce que c'est quand même plein air. Au charbon. C'est dehors, ça, dans ton terrain arrière, ça reste dehors. Ça reste dehors, c'est du plein air, c'est ça, c'est en plein ça. Ça pourrait être fait ça, si, ben, en fait, oui, ça pourrait l'être, sans farce. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup de choses comme l'ornithologie, comme l'observation de la nature. Le bronzage, tant que c'est pas en machine. Oui. Le trempage de pieds dans un lac. Oui. Ben, c'est juste de profiter de l'extérieur avec un facteur de risque diminué, puis une activité physique qui est moins intense aussi. Ouais. C'est beaucoup plus porté sur la contemplation que sur l'effort fourni, si on veut. Mm-hmm. Mais ça reste en fait des disciplines qui sont assez grandes. Puis, en cette fin de mois d'octobre, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont faire l'aventure douce pour profiter des couleurs. Ouais, oui. Puis, en fait, mon but aujourd'hui, c'était de vous expliquer pourquoi est-ce que ces couleurs-là changent dans les arbres. Ah. Comme ça, vous allez pouvoir aller dehors, puis les observer, puis les voir d'un autre œil. Mm-hmm. C'est un peu ça l'idée. Donc, on vous pousse à faire l'aventure douce. Ça me rappelle, tu parles de l'aventure douce, ça me rappelle les salsas pour amener ça au culinaire, tu sais, les salsas douces, les salsas oui. piquantes. Mais toi aussi, on ne sait pas, le plein air piquant et le plein air con queso aussi. Oui, oui, oui. Ça, c'est oui, au fromage. Le fromage en plein ça. Tout à fait, il y en a. Tu l'aimes bien, celle-là. C'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Avec un peu de jalapeno sur le dessus. Ah oui, il faut que ça fasse des bulles quand c'est au fromage. C'est ça, c'est excellent. Fait que là, disons qu'on revient à notre salsa douce un petit peu. Nos fameuses couleurs, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans les arbres? Ben, on sait. Ils meurent! Ils meurent pas! Oh. Ah! Ils s'endorment. Oh, c'est comme une grosse sieste. C'est ça, c'est comme des ours. Ils dorment tout l'hiver. Ils tombent, puis ils se réveillent au printemps. Mais, en fait, on sait que. Les ours, ils changent toutes de couleur, eux autres? Oh. Ben, ils changent, ils vieillissent. Il y a des poils blancs? Ouais. Ben, il n'est pas tout à fait blanc, mais il grisonne. Ouais. OK. Pour vrai? Ouais. Et est-ce qu'il peut prendre du Just for Bear? Pour ramener le. For Bear only. Depuis que j'utilise Just for Bear, mon museau est tout noir. Mais non. En fait, ça, les arbres tombent en dormance. On sait que les arbres, c'est des grosses pompes. Parce que tout le long de l'été, ils vont tirer l'eau du sol, puis l'eau va maintenant dans les feuilles. Mm-hmm. Puis là, ils vont transformer ça, ils vont faire plein de procédés, comme la photosynthèse, puis là, ils vont transformer ça en sucre. Mais l'hiver, ils n'ont pas de feuilles, puis ils ne peuvent pas faire ça. Mais ce qui se passe réellement, c'est que arrivé un temps, parce qu'on sait que les journées rallongent puis raccourcissent tout au long de l'année. Ouais. Mais arrivé un temps où est-ce qu'il y a un nombre d'heures d'enseignement par jour précis, ça déclenche quelque chose chez les arbres. C'est ça, en fait, les journées diminuent, puis maintenant, on arrive à un point critique, puis là, boum! Ce nombre d'heures-là déclenche quelque chose chez les arbres qui fait qu'ils arrêtent de produire la chlorophylle, qui est le pigment qui fait que les feuilles sont vertes. Puis là, arrivé là, il y a d'autres pigments qui prennent le dessus. On voit la carotène, par exemple, qui fait sortir des couleurs qui sont plus oranges ou plus jaunes. OK, mais ils sont là tout le temps. Ils sont toujours là dans les feuilles. Ils sont comme cachés à cause de la chlorophylle. Ils sont dans moins grande quantité que la chlorophylle dans les feuilles. Okay. Fait que là, quand la chlorophylle disparaît, les couleurs apparaissent. Quand tu parles de pigments, c'est pas des piments comme dans la salsa. Là. Non, c'est pas des pigments avec un G. Oui, oui. Mais il y a des pigments dans la salsa aussi. Après, les pigments, qu'est-ce qui donne la couleur? T'sais. Mais c'est peut-être le même pigment qui donne la couleur rouge à la salsa et la couleur rouge aux feuilles d'érable. C'est trop intelligent pour la blague que j'ai faite. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui se passe chez les arbres. Puis ça va déclencher aussi un autre procédé. Parce que si c'était juste ça, les feuilles resteraient dans les arbres. Mais non, il y a le même. En fait, le cycle d'une personne ou d'un être vivant qui est lié au nombre d'heures d'ensoleillement, ça s'appelle le cycle circadien. Puis c'est la même chose, en fait, qui déclenche le fait que les bois tombent sur un chevreuil une fois par année, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement. Mais ce cycle-là va déclencher à la fois l'arrêt de la chlorophylle, donc l'arbre, il ne peut plus faire de sucre à partir du soleil. Mm-hmm. Mais ça déclenche aussi qu'il y a une mince couche de cellules entre la branche puis la tige de la feuille. La tige s'appelle le pétiole. Entre le pétiole et la tige et la branche, qui fait que cette couche de cellules-là meurt. Donc, les feuilles tombent. Oh. Donc, c'est ça qui se passe à l'automne. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, on peut observer vraiment des jolies couleurs dehors. Donc, on a beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, beaucoup de jaune. Parce que la chlorophylle s'en va. C'est un peu de la calvitie. Un petit peu la calvitie des arbres. Ben oui. Mais au moins, ça repousse. Eux autres sont chanceux. C'est ça, ils sont chanceux. C'est comme une calvitie. Contrairement aux amputés. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça repousse pas. C'est un peu plus trash que la calvitie. Un peu. Quand même. C'est quoi le lien alimentaire? Le cannibalisme. Ouais, c'est ça, exactement. Le cannibalisme. Ou tu peux te faire greffer une aile de poulet. Puis là, ben, tu as tout le temps quelque chose à manger. T'avais-tu autre chose à dire? Oui, Mathieu, on peut continuer. L'automne, ça apporte, oui, des belles couleurs, mais ça apporte aussi beaucoup de choses. Puis là, on peut peut-être faire un petit lien avec votre thématique qui est nourriture. Mm-hmm. C'est aussi une des meilleures saisons pour les amateurs de mycologie. C'est quoi la mycologie? Champignons. Les champignons, en plein ça. Oui. Il y a quelques espèces très bonnes qui poussent qu'au printemps, comme la morée, par exemple. Mais souvent, l'automne, c'est aussi une saison qui est plus humide, qui est un peu plus fraîche. Un champignon, c'est en gros, c'est un peu comme une moisissure. Puis ça aime ces conditions-là. Donc, l'arrivée des couleurs, c'est aussi l'arrivée d'une grande variété de champignons. Et ça, on en a même sur le campus ici, dans les petits sentiers qui longent le Pistilam en arrière. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Puis ça, c'est une autre forme d'aventure douce, si on veut en plein air, la mycologie. Ça dépend de laquelle tu manges. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ça peut devenir une aventure vraiment extrême. Oui, volontairement. Oui, volontairement, mais c'est ça. Puis il y en a même tout le long de la Pistilam en arrière, qui longe l'UQTR, plus derrière. Quand on arrive dans la section des plus boisés, il y a beaucoup de conifères, beaucoup d'arbres qui ont des épines. Puis c'est souvent une place très, très, très propice pour les champignons. Donc, s'il y a des gens qui sont amateurs, c'est toujours pas mal la fin de la saison seulement pour accueillir des champignons. Mm-hmm. Par contre, il faut toujours mettre les gens en garde. Il faut s'y connaître. Il y a des champignons qui sont mortels au Québec. Il y a des champignons qui sont toxiques aussi. Donc, ils ne sont pas mortels, mais vous avez vraiment pas un beau quart d'heure si vous voulez manger. Mais il y a des champignons qui sont très, très bons. Il existe plein de bons livres, puis il existe plein de gens qui s'y connaissent aussi en champignons, surtout ici à l'UQTR. Nous, au Club de plein air, on essaie d'organiser une randonnée de mycologie au moins une fois par année. Cet automne, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais pour le printemps, on va en avoir une pareille. Donc, ça vous intéresse, mais restez au courant, puis on va pouvoir vous en montrer. C'est pas mal plus facile à trouver qu'il y a une personne dans l'UQTR qui a une coupe de cheveux champignons. Il en reste une. Je sais exactement c'est qui, je pourrais vous le nommer. Ben lui, il est dur à trouver. OK, fait que c'est comme une chasse aux champignons. C'est ça, une chasse aux champignons. Contactez-nous pour les informations. Parlant de contacter, on peut vous contacter au Club plein air UQTR. Absolument, toujours par notre page Facebook. Donc, écrivez UQTAIR sur Facebook, notre page va apparaître. Mm-hmm. Il va d'ailleurs avoir de la programmation pour les activités de la fin de la session d'automne qui vont apparaître prochainement. Par magie. Par magie, poup! Ça apparaît sur la page. C'est fou, l'Internet. C'est on est rendu là. J'adore ça. On peut aussi aller sur notre site Internet au www.uqtr.ca. /UQTAIR. Là, il y aura plus d'informations. En fait, toutes les capsules qu'on fait en ondes une fois deux semaines depuis bientôt un an, je crois. Arrête donc. Faut que je fasse attention là-bas. T'es malade dessus? Non, mais les capsules audio sont pas là, mais on a un résumé écrit de l'information des capsules, des chroniques plein air. Donc, si vous écoutez une chronique, puis comme si vous vous souvenez plus comment faire caca dans le bois, mais c'est écrit sur le site, vous pouvez y aller, vous pouvez aller la revoir. C'est dans le bois avec ton iPhone. C'est exactement ça l'image que j'ai. Attends, ça pogne partout. C'est où? J'ai pas mis les 3W, puis ça t'affiche pas. Est-ce que tu savais ça à l'UQTR? Tu mets pas les 3W, point, ça marche pas le site? Ah ouais, non, je savais pas. Ça marche pas par là. Ah. Si on était arriéré, on se croirait en 92. Je vais les mettre. Faut absolument. Ah, va sur uqta.ca/impro ou /patriote. Ça ne marche pas. Faut que tu mettes 3W. Mais parce que si tu fais uqta.ca, ça fonctionne. Oui, c'est ça. OK. Je pense que oui. Mais si tu rajoutes de l'info, ça marche pas. Moi, je me demandais, si tu mets une MTS, on appelle ça de la mycologie pareil, si jamais quelqu'un va aller voir? Ça dépend, c'est quelle sorte. Il y en a qui sont virales, qui sont bactériennes, d'autres qui sont fongiques. Donc, ça dépend vraiment quelle sorte. Ouais. Et Steph, pour te corriger, en effet, si tu marques uqta.ca, moi, ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Ah, ben moi, ça marche. Mais il doit les rajouter tout seul. En tout cas, là, on s'embarque dans des histoires, mais je pense qu'il les rajoute tout seul. Si tu vas vraiment juste avec https://uqta.ca. Mais ça marche chez moi. Ah, ça se peut. Mais en tout cas, bref, on s'en fout. On s'est-tu embarqué dans un sujet? Hein? Non, mais c'est parce que c'est toi qui n'est pas grave. Bon. Non, mais ouais. Quand j'ai dit notre site internet, j'ai dit les www. Excellent. J'ai pas que les gens le sachent. Oui. Sinon, ils vont être perdus dans le bois. Ça, ils n'iront pas le trouver. Ils seront pas au faire leur trou. Fait caca. C'est ça. C'est ce qui se passe. Hey, c'est-tu dur la vie? Le World Wide Web. On s'en sauve pas. Les problèmes du premier monde, comme on dit. Jean-Antoine Rioux, merci. Merci à vous. C'est tout déjà, là. Moi, tu me laisses sur ma faim. Ah. Tu l'as-tu des champignons? Ben, si t'en avais, c'est sûr que j'en prendrais. Mais il n'y en a pas. Est-ce que t'as quelqu'un avec une coupe champignon? C'est pas trop. Depuis tantôt. J'ai pris des bois, ça compte dessus. Hein? C'est vrai qu'il y a quand même un petit peu. Si vous connaissez Jean-Philippe Charbonneau des Palmarassifs. On te retrouve dans deux semaines, Jean-Antoine. Oui, absolument. Puis si vous voulez, on peut parler de nourriture dans deux semaines si ça vous tente. On a quand même parlé de champignons. Oui, mais on pourrait le rendre plus cru encore dans la nourriture en plein air. On va faire ça. Ah, on va le farcir, le champignon. Oui, on va le farcir. Bon, la chronique est plein air con queso. Con queso. C'est plein air extérieur. De retour la semaine prochaine. Pour l'instant, on va écouter une pièce de Pretty Reckless. C'est nouveau sur le palmarès anglophone. C'est leur troisième extrait de cet album avec son nom Going to Hell. Voici Absolution au 89.1 FM. The Pretty Reckless et l'extrait Absolution sur l'album Going to Hell, assemblage requis. Tantôt, en début d'émission, il y a peut-être une demi-heure, on a commencé son foutu palmarès. Continuons dans le même domaine. Pour une liste de faits, en fait, sur le sirop d'érable, c'est comme un genre de mélange entre c'est un fait et son foutu palmarès, parce que c'est établi en forme de liste. Donc, le sirop d'érable, c'est bon. On se le dit, c'est peut-être pas la période en ce moment nécessairement pour le sirop d'érable. C'est tout le temps du sirop d'érable. C'est ça, les affaires à la saveur de sirop d'érable, c'est toujours bon. Donc, on nous dit de savourer évidemment chaque goutte de ce liquide précieux parce que c'est pas super facile à fabriquer. Et moi, je ne le savais pas. Je sais que toi, tu le sais parce que je crois que quelqu'un dans ta famille fait quelque chose avec le sirop d'érable. Mes grands-parents, mon parrain, ma marraine, tout ça, ont une érablière. Génial. Donc, tu vas pouvoir me corriger et ajouter des informations. J'en ai jamais fait vraiment moi-même. Je préférais le manger. Ouais. Si tu savais, j'imagine que ça prend environ 40 gallons de sève pour faire un gallon de sirop d'érable. C'est énorme. Oui, c'est donc un taux de conversion assez extrême parce que la sève fraîche a un très faible contenu en sucre. Mm-hmm. Hein? Mais le sirop de qualité, de sirop d'érable qualité, est composé au minimum de 66 % de sucre. Hein? Et la plupart des arbres ne font qu'entre 5 et 15 gallons de sève par saison. On a dit qu'il en fallait 40 pour faire un gallon de sirop d'érable. Donc, ça prend beaucoup d'arbres. Voilà. Oui, vraiment. Ensuite, le sirop faux d'érable, le sirop de table, le sirop, sirop de poteau, comme on appelle, est fait en quoi? Ben, c'est pas nécessairement des choses qu'on aimerait manger en temps normal, mais qui sont mises ensemble. Donc, il y a des marques comme Aunt Jemima et Miss Butterworth. D'ailleurs, cette année, j'ai vu un costume des filles costumées en Aunt Jemima en blackface. C'est un peu raciste. Mais c'est bien bizarre. Un peu pas mal raciste en 2014, le déguisement où on se déguise en face noire. Non, mais blackface, là, c'est super, genre. Donc, Miss Butterworth, c'est des ingrédients comme du sirop de maïs à teneur élevée en fructose, les high fructose corn syrup, la gomme de cellulose et du colorant au caramel qui vont créer cette substance pas chère qui évidemment est supposée copier l'original. Souvent, leurs bouteilles vont avoir l'étiquette original, déjeuner ou sirop à crêpes. Si vous voulez les remarquer, en magasin pour savoir lesquels. Ben c'est facile, c'est ce qui coûte pas cher. Ben c'est ça. Parce que ça vaut pas de la chenoute. Non, même si le vrai sirop d'érable peut être en spécial des fois, mais il est quand même cher même en spécial. Oui, ça reste quand même plus dispendieux. Ouais. Là. C'est une denrée plus difficile à récolter. Exactement, ça pogne des denrées, comme on dit. Il y a l'Institut... excusez-moi. Connais-tu l'Institut international du sirop d'érable? Non. Fondé en 1975... l'organisation fait la promotion et aide à protéger le sirop d'érable pur et d'autres produits du sirop d'érable. Donc l'IMSI, l'IMSI, travaille pour développer des standards internationaux pour la qualité du sirop et sa consistance, donc sa texture. Ils se rencontrent pour plein de choses. Entre autres, il y a une petite vidéo de gens en train de goûter des petites galettes au sirop d'érable sur assemblagerequis.com. Ils font des activités pour tout le monde. C'est un gars qui est flip en malade, ouais. En fait. C'est cool, ça. Oui, c'est très drôle. Ensuite, il y a plusieurs grades basés sur la couleur du sirop d'érable. Ça, c'est le système canadien qui a 4 catégories basées sur la couleur. Tu as l'extra, en français, je sais pas si c'est extra léger ou extra quelque chose comme ça, mais extra light, donc du AA. Tu as le léger A, medium B, le numéro 2 ambre C et le numéro 3 sombre ou foncé D. Pendant ça, là, le sirop de qualité grade A aux États-Unis est un petit peu plus pâle en couleur, alors que la variété B est beaucoup plus sombre, utilisée surtout pour faire de la cuisine. Le Vermont a sa propre rubrique, son propre système de classement. Tu as Golden Color with Delicate Taste, donc couleur dorée avec goût délicat. Tu as couleur en... pardon. Pas je parle, sinon c'est ça que ça fait. Donc, couleur ambrée avec un goût riche, sombre ou foncé avec un goût robuste et très foncé avec un goût intense. On dirait des pastilles de couleur, là. Hein? Oui, et on dirait du café avec le corsé et le robuste, tu trouves pas? Miam! Pour vrai, moi j'aimerais pouvoir choisir mon sirop d'érable comme je choisis mon café. Aujourd'hui, environ 80% du sirop d'érable du monde vient du Canada. Ben oui. Ben oui! Les producteurs américains dominaient cette industrie-là dans le passé, mais notre grand pays tout blanc de neige vêtu génère beaucoup plus de sirop d'érable qu'avant. En fait, le Québec génère 2/3 du sirop de la planète au complet. Wow, tant que ça! 2/3, 66,66%. Non, c'est pas exactement comme ça. T'imagines-tu comment le sirop d'érable doit coûter cher en Europe? Mais boy! Du vrai sirop d'érable, s'il achète du sirop d'érable canadien, là. Mais ça. Ça doit être vraiment dispendieux parce que c'est quand même dispendieux ici, là. Mais tellement, ça vaut tellement la peine! Ben, c'est ça qu'ils appellent l'or liquide. Oui, exactement. Mmh, le sirop d'érable. Tenez-vous le pour dit, on se chuchotera pas. C'est bon en titi du vrai sirop d'érable, puis je prendrai rien d'autre. Je vais en prendre moins souvent, t'sais. Mais du meilleur. Ben moi, je le loue au galon gratis. Ouais, chanceuse. En Corée, on appelle la sève. La sève est souvent préférée au sirop. Donc, Goroso. C'est un sirop d'érable coréen qui est adoré par les villageois du sud depuis au moins le 9e siècle. Les personnes là-bas vont consommer la sève en de très grandes quantités, buvant au-dessus de 5 gallons. En une seule, je dirais, assiettée ou une seule embolée, entassée ou peu importe. C'est juste commun là-bas de boire la sève. Je sais que t'es pas une experte là-dedans puis je veux pas te mettre dans la confusion totale, mais la différence, j'imagine qu'elle est énorme entre la sève et le réduit. On parle souvent de réduit. Est-ce que tu sais un peu c'est quoi le réduit? Honnêtement, non, mais c'est probablement de l'eau d'érable qui a légèrement bouilli, mais qui n'est pas encore devenu du sirop. Okay. C'est mon hypothèse, là, parce qu'il y a une étape entre les deux quand même. Là. Mais comme il dit, pour que ce soit du sirop d'érable, il faut qu'il y ait minimum 66% de sucre. Donc, entre les deux, ça doit être le réduit, j'imagine. Mmh. Entre les deux, mon cœur balance. Exactement. Comme on dit. Les pompes pour ramasser la sève ont remplacé ce qu'on appelle les taps dans le temps. C'est comme ça qu'on appelait ça en anglais, je sais pas en français. Et les seaux. Tu sais, le système de petits pics de seaux? Oui, longtemps. Moi, c'est ça que j'ai connu là, quand j'étais jeune. Là. Mes grands-parents allaient entailler les arbres. Ils mettaient vraiment des espèces de gouttières et accrochaient un seau dessus. Mais tu sais, il y avait souvent des problèmes. Mais ça arrivait souvent, tu avais des problèmes, par exemple, une souris noyée dans l'eau d'érable, fait que tu perds un peu la chaudière d'eau d'érable, fait que c'est un peu triste, là. Donc maintenant, c'est des tuyaux qui sont plantés directement dans les arbres et ça s'en va tout au même endroit. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile à récolter aussi, là. Mmh. Parce que faire le tour de l'érablière en raquette, c'est de l'ouvrage. Ouais. On va se le dire, là, c'est de l'ouvrage. C'est à l'ancienne. Donc, c'est ça, on a remplacé par des systèmes d'aspiration et de tubes. 18 millions de dollars de sirop d'érable ont été volés au Québec. T'as entendu ça il y a quelques temps? Oui, c'était en 2012. Oui. Ça me dit vaguement quelque chose. Mm-hmm. Donc, la Fédération des producteurs de sirop d'érable du Québec a une grosse pile de sirop. C'est redistribué à ses participants pendant les périodes un petit peu plus difficiles. Par rapport à la sève et tout ça. Donc, j'imagine que des périodes plus creuses et on doit répartir ça pareil avec la Fédération. En 2012, c'est des criminels qui ont envahi l'entrepôt principal de la Fédération. Ils ont volé 6 millions de livres de ce doux liquide. Donc, c'est un des plus grands vols agriculturels jamais avoir été fait dans la vie. Depuis ce temps-là, 23 personnes ont été arrêtées en conjonction avec ce cas-là. Mais tristement, un tiers du sirop volé reste introuvable. Ben, c'est parce qu'il est déjà mangé. Ben, probablement, il est dans le ventre de quelqu'un. Vous voulez le trouver, vous voulez la vente. L'Université Alfred qui offre un cours en sirop d'érable. Mmh. Ouais, le catalogue de cette école de l'ouest de New York a eu à un certain moment un cours nommé Maple Syrup, The Real Thing. Donc, sirop d'érable, la vraie affaire. La description du cours nous explique, et je cite, « Cette méthode de production de sirop d'érable est une des choses dans notre société qui dure, même dans la culture d'aujourd'hui où tout change constamment. Ce cours explore donc l'histoire de la production du sirop d'érable, découvre tout ce qui se passe dans la fabrication du sirop. Ensuite, on peut créer et manger quelques confections au sirop d'érable et prendre des petites promenades, des voyages pour aller rencontrer des producteurs locaux, des restaurants et des festivals. Aucune expérience requise. Eh, ça a l'air le fun, hein? Génial, hein? Il n'y a plus ça en ce moment, mais Maple Syrup, The Real Thing. Moi, je regarderais ça s'il y avait ça sur DVD. Je t'achèterais la collection en plein. Mais avec des échantillons dans le package. Ben oui. Dans la boîte, ça vient avec un échantillon. Mais, hein. Et McDonald's et l'État du Vermont se sont déjà chicanés à cause du faux sirop. Ah. Ouais, les gens du Vermont n'étaient pas en amour avec McDonald's, c'est ça que j'aime, et autres variations du même slogan. Donc, il y avait une collation nommée Fruit and Maple Oatmeal, donc gruau aux fruits et au sirop d'érable chez McDonald's en 2011. Tu te rappelles probablement, il y avait ça dans les McDo du gruau au sirop d'érable. Pourquoi je me rappellerais de ça? Je sais pas. En effet, pourquoi tu te rappellerais de ça? Tu vas jamais là parce que je fais des bien meilleurs burgers à la maison, tu me dis tout le temps. Ben, j'aime juste pas ça. Ben, des croquettes peut-être des fois, mais je regarde pas le reste du menu. Quelle sauce? Mais du miel. Ah oui, moi c'est moutarde forte et gros douce. Non, mais parce que moi, c'est comme... un classique et je ne dérogerai jamais de mon classique. C'est tout ce que je mange là-bas. Ah bien. Il faut vraiment que tu aies une rage de croquettes. du miel moussavant avec les rondelles d'oignon de chez Aïdou. Bref, on était rendu à parler du gruyot au, au sirop d'érable chez McDonald's. La loi locale dans le Vermont dit que c'est illégal, d'utiliser le mot érable sur un produit à moins que son, ce soit à 100% pur érable. Oh, ah ouais. Ouais. Donc le nouveau plan de McDonald's, évidemment, n'allait pas dans ces critères-là et les autorités ont... on capotait un peu. Le mot érable est très, très spécifiquement important aux gens du Vermont, selon la secrétaire à l'agriculture, Chuck Ross. Donc, les produits de l'érable du Vermont sont reconnus non seulement pour leur saveur, mais pour leur qualité. Donc, McDonald's a accepté de commencer à offrir aux gens de l'État du Vermont l'option de garnir leur gruyot avec du vrai sirop d'érable du Vermont. Donc, quand t'allais dans le Vermont manger un gruyot, t'avais vraiment le sirop d'érable de la place. Ah, bon. Ou du sucre. Moi, c'est une bonne chose, je trouve, oui. Qu'ils ont fait de se battre pour ça. Pour votre honneur. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Voilà pour cette liste de faits sur le sirop d'érable. Au retour, ce sera la chronique Sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. C'est moi. On n'attend que ça. Et je pense, on m'a dit... qu'il y avait une petite thématique alimentaire. En fait, je pense que c'est toi qui m'as dit. Ben oui. Donc, de source sûre, je te dirais. On n'est pas allé dans le Vermont pour se renseigner. On est allé directement à la source de la sève, directement au tronc de Stéphanie Paradis. J'ai parlé dans le ventre pour lui demander. Appuyez sur le nombril. Ah bon. On vient dans deux instants. Merci. D'exotisme. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi matin, 4 novembre 2014, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et dans cette demi-heure, on va parler de langue française et d'expressions connues. Voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression. Dans cette chronique, j'essaie de vous expliquer un peu pourquoi on dit telle ou telle chose. Hein? Mm-hmm. Des fois, il y a des expressions, on ne sait pas trop d'où ça vient, on le dit pareil. Mais on, j'imagine que c'est curieux. Pas. On parle à travers notre chapeau, comme on dit. Ou à travers notre moustache de Movember. Celle de Charles-Antoine Rioux est particulièrement réussie. Oui, mais on... soit il a triché puis il a commencé avant le mois de novembre, soit il est vraiment très viril. Ah oui, je pense que... Il a mangé ses carottes ou je sais pas. C'est quoi tu manges quand tu grandis? Pour grandir? Tes croûtes, t'as mangé, il a mangé ses croûtes. Voilà. Ah c'est ça, mange tes croûtes. Ben oui. Mais justement, Mathieu, aujourd'hui, dans sa plus simple expression, bien entendu, je vais continuer dans la même thématique dans laquelle nous avons commencé aujourd'hui, c'est-à-dire la nourriture. Mm. Qu'en dis-tu? J'adorerais ça, en fait. J'ai hâte de ramener toute cette nourriture-là au sexe, comme je fais toujours. Ben parfait. On va commencer dès maintenant avec la lune de miel. Lune de miel, ça, c'est évidemment un hommage au demi-lune Vachon. c'est, tu sais, les tripes culinaires, les gens vont se verser du sirop au chocolat sur le corps, vont se licher ça. Ça, c'est quand tu as le trip de te mettre de la garniture à demi-lune partout sur le corps et licher ça. Ah, mais peut-être pas. Non? Ah. En fait, la lune de miel, à l'origine, la lune de miel désignait les premiers temps du mariage, alors qu'aujourd'hui, ça désigne plutôt le voyage de noces. Mmh. Mais avant, c'était vraiment les premiers temps du mariage. Donc, au 18e siècle, désolé, j'ai eu un moment parce que je calculais le nombre de « i » après « levé ». On le voit dans les yeux tout le temps. Donc, au 18e siècle, la lune de miel est le symbole traditionnel de l'amour heureux à ses débuts. Donc, selon certains, l'expression serait simplement une traduction littérale de l'anglais, donc « honeymoon ». D'ailleurs, si on en croit les dictionnaires étymologiques anglais, la première citation du terme date de 1522, wow. Soit deux siècles avant la version française. Donc, l'emprunt à l'anglais est donc tout à fait possible. Je pense que les demi-lunes de l'époque sont encore bonnes, ne sont pas passées date, donc ça demeure ça pas. Ça passe toute date, il y a tellement de sucre là-dedans. Donc, selon d'autres hypothèses, cette expression-là aurait une origine païenne. Lorsqu'autrefois, à Babylone, il était coutume que le père de la mariée offre à son gendre, pendant tout le mois qui suit le mariage, autant de med, donc M-E-A-D, donc de bière à base de miel, qu'il pouvait en absorber. Donc, et comme le calendrier était basé sur le cycle lunaire, le mois du miel est devenu la lune de miel. Donc, cette origine est également évoquée par les dictionnaires étymologiques anglais. Alors, est-ce que la version française a directement pioché dans la coutume ou bien est-ce que c'est une traduction littérale de la version anglaise, elle-même issue de la coutume? Eh bien, certains écrits français semblent confirmer que l'hypothèse de l'emprunt, mais que cet emprunt-là, en fait, l'expression anglaise serait tirée de la coutume de la bière au miel pendant le mois du miel, en fait. Wow, c'est génial. À l'époque païenne dont tu parlais, là, dans ce temps-là, super écran, t'es cher à la télé païenne. C'était vraiment, vraiment c'était cher, dégueulasse. La télé païenne. Ce n'est pas de la petite bière. Non, c'est donc une grosse quille, hein, j'imagine. Donc, c'est juste une question de autant d'une pinte. Quand ils te demandent est-ce que tu veux une pinte, tu dis non, ça c'est de la petite bière. Tu demandes le baril au complet. C'est comme dans Astérix, tu veux plonger directement dans le baril. Exactement. En fait, ce n'est pas de la petite bière, ça veut dire que c'est une chose importante pour un objet ou ce n'est pas le premier venu pour une personne. Donc, au 17e siècle, la bière forte est opposée à la petite bière, donc la forte bière plutôt, est opposée à la petite bière qui désigne une bière faible parce que brassée avec du grain qui a déjà servi à faire de la bière. Donc, l'expression elle-même, avec sa signification actuelle, est attestée à la fin du 18e siècle. Donc, c'est tout simplement à l'opposé de la forte bière. Eh bien, il n'y a pas ça au temps d'une pinte. La petite bière? La petite bière. Ben non. Ensuite, Kédordine. Ça me rappelle Léopoldine à Les Pirates. Comme il disait, Léopoldine, si le vite, ça fait Léopoldine. Si le lendemain, ça fait Léopoldine. Donc, Kédordine, c'est son frère à Léopoldine. C'est Kédordine, si le vite, ça fait Kédordine. Si le lendemain, ça fait Kédordine. Ouais. En fait, c'est pas plus lentement, la deuxième. Kédordine, ça veut dire que le sommeil fait oublier la faim ou le sommeil tient lieu de nourriture. OK. Donc, d'un côté, nous avons des sites Internet qui affirment qu'elle vient du Moyen-Âge, où le voyageur qui voulait dormir dans une auberge était contraint également d'y dîner, sous peine de se voir refuser le gîte. Donc, autrement dit, si tu manges, tu dors. Si tu manges pas, tu sors. Facile. C'est aussi simple que ça. D'un autre côté, nous avons Alain Ray, okay, un linguiste distingué, qui passe entièrement cette hypothèse sous silence. Il nous apprend que ce proverbe vient de l'ancienne pensée « Le sommeil nourrit celui qui n'a pas de quoi manger » qui a été exprimée par le grec Ménandre, donc auteur, entre autres, de « La nuit porte conseil ». Donc, alors qui a raison entre l'érudit qui propose une opinion qui semble être le seul à défendre et la masse qui en diffuse une autre? Eh bien, notez que si Ménandre a bien émis cette pensée, rien n'empêche que les aubergistes d'autrefois aient vraiment pratiqué la vente forcée. Donc, les deux explications ne sont donc pas incompatibles. Ensuite, avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, ben c'est une planche de pain, donc c'est une histoire de construction. J'imagine que Léopoldine, qui était, je pense, à la construction dans le temps, pourrait te dire que c'est une sorte de bois utilisé pour faire des murs. Okay. Sur la planche, tu dis, parce que pour pouvoir trancher ton pain, pour faire des murs, tu comprends? Pain, ça... en fait, avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup de travail, de tâches à accomplir. C'est ça, j'ai dit. Donc, avant le début du 20e siècle, cette expression voulait dire tout autre chose, puisqu'elle signifiait avoir des ressources pour l'avenir, être assuré de ne manquer de rien. Donc, ça veut absolument... Il n'y a aucun lien avec ça, là, à première vue. Donc, l'image s'explique à l'époque où le pain pouvait être conservé longtemps avant d'être mangé et où avoir de nombreuses miches posées sur leur planche de stockage, c'était avoir de quoi tenir un moment. Donc, le fait que l'expression a changé de sens peut s'expliquer de deux manières. Donc, la fin de ce pain de longue durée, remplacé progressivement par le pain que nous achetons chaque jour à la boulangerie, il a probablement aidé. On a pu alors imaginer les pains crus que le boulanger pose d'abord sur une planche après les avoir façonnés avant de les mettre au four. S'il est au début de son travail de cuisson, cet homme a des pains ou du pain sur la planche, donc avant de l'avoir entièrement terminé. L'autre explication remontrait d'abord une expression argotique utilisée par les voyous, la planche au pain, qui désignait le tribunal. Donc, par allusion à sa position élevée, comme les planches où le pain était conservé. Donc, en plus de cette époque de royauté, manger le pain du roi, cela voulait dire être en prison ou aux galères, donc, ou à l'armée. Donc, le pain était fourni gratuitement par l'État, donc le roi. Wow. Faut pas oublier non plus que le roi avait une énorme baguette entre les jambes et que sa femme n'avait pas de poitrine. Donc, quand il mettait son pain sur sa planche... pain sur la planche, parce que la fille, c'est une planche, parce qu'elle a pas de sang. C'est un pain sur la planche. Je vais faire comme si tu avais jamais dit ça. OK. Les carottes sont cuites. Ouais, mais ça, c'est le petit frère, en fait, du roi qui était réputé pour sa carotte dans le pantalon. Donc, là, il y avait des carottes sur la planche. C'était pas une baguette, tantôt? C'est ça que je voulais dire. Ouais. En fait, les carottes sont cuites. Ça veut dire tout est perdu. Il n'y a plus aucun espoir. Mm-hmm. OK? Mon chien est mort aussi. On peut dire ça. Genre. Ouais. Donc, pourquoi ces carottes sont-elles cuites lorsqu'il n'y a plus rien à faire pour sauver la situation? Donc, remontons d'abord au 17e siècle. À cette époque ou encore longtemps après, la carotte est considérée comme un aliment pauvre. Mais du fait d'une forme similaire et d'une prononciation très proche, elle est aussi associée à la crotte. Donc, on disait d'ailleurs de quelqu'un de constipé qu'il chiait des carottes. Ben non! Ce qui est extrêmement vulgaire. Wow. Ou extrêmement vulgaire. Oh! Un peu plus tard, ne vivre de carottes, c'était vivre très chichement. Pas comme le poids, là, mais... Chichement, t'as dit? Non, OK, on l'arrête. Cette valeur péjorative liée à la carotte est restée. Et à la fin du 19e siècle, avoir ses carottes cuites, c'était être mourant. Mais sans qu'on sache exactement le pourquoi de cette association du bientôt mort avec ses légumes cuits, peut-être était-ce par allusion au fait que dans les familles pauvres, les plats de viande, donc d'animal mort, étaient souvent accompagnés de carottes également cuites. Mm-hmm. Toujours est-il que c'est cette notion de carotte qui marque un état sans espoir où on ne peut plus rien, qui est arrivé jusqu'à nous. Mais moi, je te dirais que les carottes sont cuites. On utilise ça pour dire t'sais, la tâche est accomplie. Ah oui, genre pas négativement, juste crochet, c'est fait. Moi, ah, c'est comme ça que je l'ai toujours entendu. Ah, tu sais, ben... là, il me semble d'un film de petits jeunes, là, de, mm-hmm. d'espions en herbe, là. Oui. Les carottes sont cuites. Fait que je sais pas, c'est comme si ça avait été peut-être mal utilisé avec le temps, mais sûrement. Je sais pas pourquoi. Hmm. Ensuite, occupe-toi de tes oignons. Ou ce ne sont pas tes oignons. Ah, ben oui. Les oignons, ça fait pleurer, on le sait tous, en fait. Souvent, c'est ce qui cause... Quand tu as des relations sexuelles, hein, puis qu'à la fin, tu pleures, tu sais, la tristesse post-coïtale qu'on appelle, c'est souvent causé par les mains aux oignons de ton mari. C'est souvent ça. Donc, l'homme a coupé les oignons. C'est n'importe ça quoi. Fait pleurer. Ouais, c'est prouvé par la science, en fait. OK. Occupe-toi de tes oignons, en fait, ça veut dire « ça ne te regarde pas, mêle-toi de tes affaires ». Donc, si ces locutions datent du début du 20e siècle, ce qui est quand même récent, c'est au cours du siècle précédent que l'oigne, donc apocope de oignon, désignait en argot aussi bien l'anus ou le cul que les pieds. Hein? Donc, l'expression « se mettre dans l'oigne » voulait d'ailleurs dire « mépriser ». Donc, quoi de plus étonnant, alors, puisqu'elle existe toujours aujourd'hui, que de voir ici un simple synonyme argoté des expressions « occupe-toi de tes fesses » ou « occupe-toi de tes pieds ». Donc, Sellard et Ray, donc deux linguistes, dans leur dictionnaire du français non conventionnel, évoquent en plus une origine réellement liée aux bulbes qu'on retrouve coupés en rondelles dans nos salades et savoureusement dorés dans une tortilla. Donc, selon cette hypothèse, dans le centre de la France, une marque d'indépendance des femmes était leur droit de cultiver un coin de jardin où elles faisaient pousser des oignons avant d'aller les vendre sur le marché pour se faire un peu d'argent de poche. Donc, il était donc courant d'entendre les hommes dire aux femmes qui voulaient imprudemment se mêler de leurs affaires « Occupe-toi de tes oignons mm-hmm. » ou « C'est pas tes oignons ». Ben oui. Donc, c'est super sexiste. Faites attention aussi de vous occuper de vos oignons en dessous de vos pieds, hein, parce que ça aussi... Non, c'est dégueulasse. Ça fait mince. Ensuite, on reste dans les oignons, donc aux petits oignons. Ben, tu vois, là, ça c'est une histoire de pieds, c'est clair. C'est un petit oignon qui se crée entre deux orteils. Je pense que c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, aux petits... Ah, c'est comme des pieds aux oignons. Ouais. Ah. Dans ta salade, c'est délicieux. Donc, aux petits oignons, oh, j'ai mal au cœur. Donc, avec beaucoup de soin et ou d'attention, donc c'est parfait, c'est très bien. Donc, cette expression s'emploie pour qualifier une action ou une entreprise quelconque. Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre le sens premier, hein, ça vient de nos cuisines. Donc, en effet, traiter un plat avec soin que de l'accommoder, le mitonner finement avec de ces petits oignons, hein, ben ça va donner beaucoup, beaucoup de saveur. De là, c'est naturellement, et depuis le milieu du 19e siècle, l'expression purement culinaire s'est répandue dans bien d'autres domaines. Donc, la première signification proposée s'applique lorsque la locution est utilisée avec un verbe, alors que la seconde correspond plutôt à l'expression isolée, c'est aux petits oignons. Donc, si on dit c'est parfait, c'est très bien, on va dire c'est aux petits oignons. Mais si on l'utilise, par exemple, avec un verbe, cette tapisserie a été posée aux petits oignons. C'est peut-être pas le meilleur exemple qu'on a, mais avec un verbe comme ça, ça veut dire que ça a été fait avec beaucoup de soin et d'attention. Eh bien. Ensuite, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est vrai, on n'attire pas avec du vinaigre, on les attire avec de la vinaigrette, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une erreur lors de la traduction, j'imagine. Mais on attire les mouches avec de la vinaigrette. Et encore une fois, ça rajoute du croquant. Ça peut remplacer le bacon dans vos salades. Ça, il y a des petits oignons de pied. Ah, ouais. OK. C'est pas ça. Donc, il y a une mouche... en fait, non, t'as pas, j'ai pas fini. Non, attends. Ça veut dire... Moi, j'étais partie. Ça veut dire qu'on n'obtient rien de la personne... qu'on n'obtient rien de personne par la force et on va conquérir plus facilement quelqu'un par la douceur que par la dureté ou la méchanceté. C'est vrai, c'est le renforcement positif. Et... C'est ça. Donc, une mouche, lorsqu'elle se pose sur un liquide quelconque, ça reste du vinaigre et mal barré. Donc, à moins qu'une improbable main secourable vienne l'en sortir, ben il est presque sûr que sa vie va en finir. Toujours est-il que la mouche qui semble instinctivement bien différencier les bonnes choses des mauvaises aurait bien plus volontiers se poser sur une cuillère de miel, par exemple, quelque chose de sucré que sur un fond de vinaigre. Donc, c'est certainement une excellente raison pour qu'au début du 18e siècle apparaisse l'expression « on prend plus de mouche avec du miel qu'avec du vinaigre », qui est simplement l'ancêtre de la nôtre. Donc, c'était cette expression-là qui était là à l'origine. Donc, l'image en est bien plus explicite. Donc, pour amadouer, conquérir, faire obéir quelqu'un. Donc, ici, c'est la mouche. Mieux vaut utiliser la douceur ou la gentillesse, donc le miel, que la méchanceté ou la force, le vinaigre. Et pour ceux qui ont écouté la version censurée de cette émission sur les ondes, on parle de vie afro-américaine, bien sûr, donc du vinaigre. Oh! Ça faisait des bips, je pense, à la radio des gens. On a un délai de 7 secondes, puis on censure tout le monde. Puis après ça, tu veux pas que les gens se déguisent en Aunt Jemima. C'est ça, raciste! Hey! Puis ça continue. Tournez au vinaigre! Ah, oh, bête! Bip, bip, bip, bip, bip! ouais, ben ça, je peux pas commenter là-dessus parce que je me ferais retirer de ce poste. D'accord. Donc, tourner au vinaigre, c'est tourner à la dispute, à la bagarre. Oh boy! Ou mal tourner. Donc, cette expression est une métaphore dont l'origine est simple à comprendre. Si des relations deviennent aigres au point de tourner à la dispute, le rapprochement avec le vin, qui peut lui aussi tourner à l'aigre, est facile à faire. Mais pour ne pas arrêter cette explication-là, on va remonter un peu dans le temps. Donc, certains se souviennent peut-être de cette époque. Cette époque. En fait, c'est pas une époque qui nous touche, c'est l'époque de la France. Non. Donc, eh bien, en remontant jusqu'au 17e siècle, soit bien avant les souvenirs des plus vieux lecteurs de ces lignes, on trouvait aussi des vinaigriers qui, paraît-il, d'une voix aiguë, criaient « Voilà le bon vinaigre! » Donc, en 1650, il existait environ 600 qui parcouraient les rues de Paris. Hein? C'est bizarre dans... Sans ce boulevard des forts. Je veux du vinaigre! Oyez, oyez! Autant dire que les ménagères de l'époque entendaient ces appels aussi souvent que celles aujourd'hui entendent la chanson du moment à la radio. Donc, cette rengaine a donné naissance dès 1660, donc seulement 10 ans après, à l'expression argotique « crier au vinaigre », qui voulait dire « appeler à l'aide » parce que les cris perçants poussés par les vinaigriers pouvaient passer pour des appels au secours. Ah. Donc, c'est à la fin du 19e siècle qu'apparaît notre métaphore « tourner au vinaigre ». Et probablement parce que l'origine de « crier au vinaigre » avait été oubliée, cette dernière locution, en se calquant sur notre expression, a pris le sens de « se fâcher » au début du 20e siècle. Ainsi, on peut dire que deux personnes dont le dialogue tourne au vinaigre, qu'elles crient au vinaigre. Voilà. Eh ben. Hey, c'est raciste même en anglais, hein, « vinaigre ». Comment? Je sens de même, vinegar, c'est aussi raciste. Ouais. Vinegar? Ouais. Ouais, OK. Et finalement, j'avais pas lu le sens de celle-là. Okay. Balancer, envoyer la sauce. là, je sais pas, j'ai tendance à vouloir y aller du côté sexuel encore, tu sais, de balancer la sauce. Parce que c'est facile. Parce que c'est facile. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que ça? Hein? Un peu. Ça, c'est quand... Ben, moi, je suis maladroit en cuisine, hein, puis évidemment, à un moment donné, je vais échapper mon chaudron de sauce à la terre, fait que je balance la sauce. Hein, c'est juste ça. D'accord. Donc, en fait, il y a deux significations. La première, ça serait envoyer une rafale, décharger une arme. OK. Ou la première, éjaculer. Ah ben, Colin, je serais tombé dessus, puis ben, ça aurait été oui, facile. Ben hein? Oui, ben, ben oui. Donc, dans l'argot de la première moitié du 20e siècle, le mot « sauce » est plus désigné. Le sperme n'a vraiment rien d'étonnant vu la consistance de la chose. D'autant plus que la sauce accompagne souvent la viande et que, dès le début du 17e siècle, on parlait déjà de sauce d'amour pour désigner les sécrétions issues du bas-ventre, ben oui. Qu'ils soient masculins ou féminins. Ah, OK. Donc, il est donc assez logique qu'envoyer ou balancer cette sauce désigne le fait d'éjaculer. Et comme toujours dans un langage populaire, éjaculer se dit aussi décharger. Il est tout aussi naturel que, par analogie et en liaison avec le symbole phallique que peut représenter un fusil, l'expression a pris le sens de décharger son arme ou envoyer une rafale vers le milieu du 20e siècle. Et ça finit là-dessus. Sur une très belle note de... sauce. Ouais. Ouais. C'était sa plus simple expression. On fait ça les mardis, absolument vers les 9h. Ouais. Absolument. Ben, on est vers 9h. Fait que c'est presque la même chose. Ouais, on l'a fini 10 minutes avant qu'on la commence finalement. Donc, c'est ça. On vit dans le futur assez fou, 89.1. On vit dangereusement. Oui. Alors, on va aller entendre une pièce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendue. C'est Class Historian par Brown Show. Parfait, ça. Ça reste dans la nourriture avec un brunch. Hein? Ah, un brunch show. Mais oui. Parce voilà. Qu'un déjeuner froid, t'es sûr, un brunch pas chaud. Pas mal sûr, c'est un brunch. Sinon, ça ne fitterait pas dans la thématique de bouffe. Oh, et bon! Vous êtes ensemble à jouer qui? Single mama wanna get that number. nouveauté. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 4 novembre. Stéphanie Paradis et son nom? Mathieu Plante, c'est lui. Mm-hmm. On est à quelques instants de notre surprise du mardi. On a parlé de bouffe pendant toute l'émission. Il y avait une raison derrière ça. On vous l'explique dans quelques instants. Bien, on parle toujours un peu de bouffe quand même. Oui, ben, je dirais que c'est un thème commun. Ou de sexe. Mais tu sais, ça se rejoint. C'est vrai, ça. Ben oui. Mais là, on a une bonne raison, là. C'est vrai qu'on a une bonne raison. On va parler aux cuisiniers paresseux dans quelques instants. Mais justement, tu parlais de bouffe et de sexe mis ensemble. Écoutons donc The New Pornographers. Hein? Parfait. C'est une bonne idée, ça, tu penses? On écoute leur nouvel extrait du palmarès. C'est Dancehall Dominé. Dancehall Dominé. Ça a l'air spécial, dit de même, mais c'est ça pareil. Assemblage requis sur C'est fou, 89.1 FM. The New Pornographers et Dancehall Dominé en position numéro 19 du palmarès anglophone. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Vous avez remarqué depuis le début de l'émission qu'on a parlé beaucoup de cuisine et de bouffe parce qu'on voulait vraiment tourner autour de notre sujet principal. Et on l'a en studio, notre sujet principal, Nicolas Moreau, le cuisinier paresseux. Ça va bien, bonjour? Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien. Oui. Et on reçoit aussi pour la compagnie son collègue et photographe qui est Éric Massicotte. Donc on va leur parler les deux en même temps. Salut. Ouais, tu vas voir. On parle pas mal en plus. C'est ce qu'il faut. On a tout le temps qu'on veut devant nous. Donc Stéphanie, c'est connu à l'émission Adore la cuisine. En fait, elle présente une recette chaque semaine en ondes à la radio. Ça se fait, ça à la radio. On peut faire ça, nous autres. Ah, ouais. Moi, je suis connu pour ma paresse. Je fais une chronique et une grosse pointe à l'adresse où je présente genre de la bouffe, malbouffe de la semaine. Genre. Donc, est-ce que les deux ensemble, avec ce livre-là, pourraient réussir à faire quelque chose d'intéressant? Ah ben c'est certain, c'est certain. Est-ce que vous avez feuilleté un petit peu le livre? Oui. Ben oui. Ben regarde, moi, une de mes recettes préférées, là, parce que j'ai une section là-dedans qui s'appelle « Approuver ado affamé », qui sont toutes mes recettes que je faisais quand j'étais ado, là, tu sais, dans le style quand j'avais faim dans la bouche puis que je logeais dans le frigo. Là. Mm-hmm. OK, puis c'est mon egg roll dessert. OK. Une pâte egg roll, des fruits surgelés puis des pépites de chocolat. Tu mets ça à l'intérieur, tu refermes ton egg roll avec une fourchette, avec un petit peu d'eau, tu le fais frire. OK? Tu peux le faire frire ou tu peux le faire au four. Puis avec le reste de mes fruits, je passe ça dans le malaxeur avec juste un petit peu de sirop d'érable. C'est sûr, tu vas me dire, ça prend un blender, là, mais ça prend juste un blender quasiment pour ce livre-là. Et là, avec ça, écoute, c'est écœurant. C'est croustillant. T'as le fruit qui est sucré, puis t'as le chocolat qui est fondant. C'est vraiment capoté, ça prend 3 minutes. Moi, c'est avec ça que j'ai croisé ma première belle-mère. Oh! Ta première belle-mère? Ben oui! Ben oui! Ben oui! T'étais ben oui. Déjà en couple, au moins. Voyons donc. Imagine toi quand t'arrives avec la belle-mère, puis que tu dis, bonjour madame, je viens porter ça à Chantal. Que, écoute, si c'était fini, j'avais la bénédiction, j'avais le droit de coucher à la maison, toute la quête. Ah, y es-tu fin, hein? C'est qui autant mort, ce soir-là? Mais ça semble dans ta palette, moi, je trouve, comme recette. Oui! Du facile, dans le sens, aucune étape, genre deux étapes. Oui, mais c'est ça, parce que toi, d'habitude, les étapes, c'est je déballe, je mets dans le four. Oui, ben au moins, allumer le four, c'est une étape, ça fait 3 mois d'étapes. Oui, non, ouais, c'est sûr que, tu sais, j'ai essayé de trouver plus facile encore, mais tu sais, à un moment donné, comme tu dis, il faut sortir de la pointe. Ben, c'est ce qu'on est habitué de faire en tant qu'étudiant, c'est trop facile en tant que tel. Là. C'est des ramen, c'est du craft dinner. La facilité en tant que telle, ta facilité est relative ouais. à la facilité qu'ont les gens aussi paresseux que moi. Donc, faut que je m'élève d'un petit cran. Mais est-ce qu'un robot, tu sais, c'est une affaire qui est possible d'avoir au campus c'est beau, ici? Ouais. Là? Je pense que oui. Ouais? Ben oui, que oui. Ben parce oui. que regarde, moi, comme, tu sais, moi, une de mes forces que je faisais quand je cuisinais, là, quand j'étais un petit peu plus jeune, c'était ça. C'était mon robot. Je prenais une canne de tomate, je mettais un petit peu de pesto dedans, je mettais un oignon, je mettais un petit peu de Beauvril, fromage, bjut. Ça se gardait un mois. C'était une sauce sans cuisson. Mais je l'ai dans mon livre. Mais avec ça, là, tu peux faire en 2 minutes une sauce bolognaise, une sauce calabraise, ça veut dire avec des saucisses, une sauce arrabbiata piquante, une sauce cardinale rosée avec du jambon. Tu peux te faire comme plein de dérivés en ajoutant à peu près un ou deux ingrédients. Ça veut dire que ça donne 8 pâtes en 5 minutes à partir d'une base de sauce en 2. C'est ouais. ça. Tu donnes un petit effort à la base, mais ton effort va se multiplier. Ouais, ben, c'est surtout qu'écoute, on est rendu dans l'époque des foodies. Un gars qui sait pas cuisiner aujourd'hui, c'est comme un loser, non? Hashtag loser, comme on dit, hashtag loser. Ben oui, carrément. C'est un has-been, comment? C'est un has-been. Je l'aime déjà, il vient de te traiter de loser. Là, join the group. Hey, on connecte, là, c'est terrible. Hey, mais il y a quelque chose qui est vraiment hot aussi, là, c'est... mon chum Eric, qui est quand même le photographe de Trois-Rivières, on s'entend, il a à peu près tout fait. Je veux dire, il y a ce gars-là, c'est assez hallucinant. Combien tu faisais de photos par jour? Parce qu'il faut savoir que quand on fait des photos de livres ou de magazines, en règle générale, c'est 4 par jour. OK? 4, mais on s'applique vraiment. Ah ouais, là, on s'applique, le setup, là, puis tout le kit, puis la lumière, puis là, c'est parce que t'es en studio, puis tout ça, là. Oui. Nous, on a fait ça dans la cabane à sucre à Trois-Rivières. On faisait des photos extérieures, tout ça. Puis Eric, tu faisais quoi? on faisait ensemble parce que toi, il fallait que t'aies cuisine, là. On faisait 15 à 16 photos par jour. Absolument, c'est 4 à 6. Puis il y a une équipe de. Toi, t'as un assistant-chef. Moi, j'ai une styliste culinaire, un assistant photographe. On est dans un studio professionnel. Là, on faisait ça, là. On était tellement pressés par le temps qu'on roulait, là. Fait que qu'est-ce que vous voyez dans les photos, là? Il n'y a pas d'arrangement, là. Vous êtes capable de faire ça. N'importe qui est capable de le faire, là. Puis, des fois, c'est aussi simple que juste le verser dans quelque chose, là. Fait que c'est goûteux, c'est bon. C'est pas... pas juste beau. C'est pas juste beau. Non, sérieux. C'est quoi ta recette préférée? Ah, ben, moi, en fait, là, celle que t'as parlé tantôt, là... Ben écoute, c'est comme demander quel de tes enfants tu préfères. Il y en a, tu sais, il y a plein de super bonnes recettes là. Celles que t'aimes pas à tous les jours. Non, ça je peux pas le dire. Parce que... ça doit être, je t'attends dehors, toi. Ça doit être une, je pense, une végétarienne, ça c'est sûr. Mais il y a des recettes végétariennes. Mais écoute, les pâtes, là, ça, écoute, c'est un chef-d'œuvre, parce que, écoute, il n'y a rien de plus simple que faire des dérivés à partir de ces pâtes-là, sans effort. T'sais. Tu fais juste rajouter une crème, tu fais juste rajouter des épices, puis voilà, tu as un changement. Là. Mais les rouleaux impériaux, ça m'a surpris au bout. Là. Quand tu as mis des fruits, là, ça. Waouh! Le pain au Nutella puis aux bananes? Ah, ça, je me rappelle d'avoir vidé le plat. Ah, ça, c'est hot. Écoute, tu mets tous les ingrédients, tu mélanges ça, ou tu peux le faire au fouet, c'est un petit peu plus long, puis tu le cuis, là. Je te donne une recette, une étape. 3 minutes de préparation, t'as un super pain choco-banane. Ben là, c'est hallucinant. Fait, même le mélange déjà en sac, là, c'est pas plus rapide, là. Non, c'est pas bon le mélange en sac. Là, ça, c'est vrai. Je te parle d'un pain, pas un gâteau. Là. Oui, ça goûte un peu la banane. Tout ça, tu mets un peu de beurre dessus, là, fondant le matin. Mm. Là. Ah, c'est vraiment hot. Donc là, vous avez parlé de dessert, de sauce, de plats végétariens. C'est assez complet comme livre. Là. Écoute, t'as 10 chapitres, 270 pages. Quand même. Okay. Puis, je sais pas si tu as vu le genre de truc que j'ai. Le chapitre, c'est la patate de sofa. Oui, oui, les noms sont assez évocateurs. Ben, la patate de sofa, c'est la mort cérébrale. Il y a à peu près juste ton doigt qui marche sur la télécommande, la pitonneuse. Là, t'sais. Ça, j'ai un état comme ça à peu près un mois par année. Là, t'sais. Puis, là, dans ce temps-là, ça me prend genre mes ailes de poulet, des séries. Ouais, ouais. Fait que là, je donne 2 super recettes d'ailes de poulet. Mes côtes levées avec ma sauce aux ananas épicées, c'est vraiment débile. Ma pizza pochette. Parce que, tu sais, faire une pizza, il n'y a rien là. Mais c'est tout le temps la pâte qui te bug. Mais dans le fond, achète-toi de la pâte feuilletée. Ça coûte 2 piastres et demi, là. Mm-hmm. La pâte à vol au vent, là. T'achètes de la pâte feuilletée, tu roules ça, là. C'est tellement écœurant, là. Tu sais, c'est flaky, c'est croustillant, c'est léger. C'est 100 fois meilleur qu'une pâte à pizza, là. Mm. Moi, c'est avec ça que je fais mes pâtes. Ah ouais. Eric est en train de me montrer la poutine de Nico, là. Ouais, ça c'est hot. Sauce aux 3 fromages. 3 fromages? Oui. Okay, il n'y a jamais trop de fromage. Tantôt, hier... Moi, j'ai faim. Hier, matin, Steph a reçu le livre. On a reçu le livre pour pouvoir en parler, évidemment. Elle me feuilletait page par page et je pense qu'elle a mis un commentaire sur littéralement chaque page du livre de recettes. Il y avait tout le temps quelque chose à dire sur chacune des recettes. C'est fabuleux. Tu parlais de croûte, pâte feuilletée, etc. Quand on parle donc de recettes bien faites, vite fait, on sacrifie des fois peut-être la qualité des ingrédients. Est-ce que c'est correct de faire des compromis dans la création des recettes? Tu parles de croûte feuilletée qu'on achèterait à 2$. Est-ce qu'on peut être paresseux tout en cherchant des produits de qualité? Est-ce que c'est comment ça fonctionne pour toi, la sélection des ingrédients dans une recette? Moi, écoute, moi, c'est sûr que ma sélection, tu m'as vu le vendre de toute façon. Hein? Arrête. Il y a de l'entretien Arrête. Là-dedans. Non, mais ce que je veux dire par là, moi, il faut que ça goûte bon dans ma bouche tout le temps. Fait que déjà, au départ, tu sais, à un moment donné, une recette, ça peut pas juste être tout le temps uniforme, ça peut pas juste être juste pâteux, juste élastique à cause du fromage. Tu sais, on va, pour revenir, là, genre, à une pizza, faut qu'il y ait un petit côté croquant, tu sais. Moi, je sais pas vous, là, mais moi, une pizza, ça peut pas juste être du pepperoni ou du fromage. Là. Ça peut pas être flat comme ça, là. Tu sais, il faut qu'il y ait l'aspect du petit poivron, là, qui va aller me chercher un petit côté croustillant. Un punch, le petit piment, là, pour aller chercher un petit torque, quelque chose, qui va donner de la personne. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. T'achètes une pizza congelée, il y a pas de fromage dessus. Il y a rien. C'est fade, là. Tu manges du pain, tu manges de la farine. Comme ma blonde a dit, quand ça nous arrive d'en acheter une fois de temps en temps, c'est juste bourré, c'est un paquet de pâtes. Mais c'est pas du carton, c'est pas de la farine, c'est juste du carton. Oui, exactement. Des fois, ça, tu te demandes si tu t'es pas trompé, que t'as pas jeté la pizza sur le dessus et que t'as fait cuire le carton. Ils disent des instructions, genre si vous voulez une croûte plus dure ou une croûte plus molle. La croûte est tout le temps pareille, elle est juste dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Propose-moi pas d'options. Ouais. Alors que là, dans ton livre, on a des tonnes d'options de différentes sortes de recettes. T'as parlé de plusieurs catégories tantôt. T'as parlé de recettes d'ado, mais ça arrête plus les catégories. Il y en a une douzaine, je pense, là-dedans. Écoute, oui, il y en a une douzaine. Tiens, regarde, je suis tombé sur un truc qui est super hot. Les filets de porc, quand ils tombent en super spécial, là, ça vaut presque rien. Là. Tu ouvres ça en portefeuille, puis écoute, tu mets un petit morceau de fromage avec des fraises et du romarin, le brie romarin, puis mes tostitos. Vous savez que j'ai été monsieur tostitos? Ben oui. Ben oui, ça, c'est... qui le sait pas? Ah non, mais écoute, pour ça pas que... j'ai passé dans Safari. Ben oui, ben c'est... Ben oui, il était curé, les gars, de m'avoir avec... Ah, les Tostitos. Hey, je l'ai tellement... Je te jure, écoute, j'étais à Saint-Tite, au festival de Saint-Tite. Les jeunes arrivaient avec des chapeaux de cowboy. Hey, monsieur, regardez-moi. Ah, les Tostitos. Tout le monde m'a fait ça. Non, ça a plus d'allure. Les Indiens. J'étais à la pêche. Où c'est que j'étais? De l'autre bord de chez mes chums, à Mont-Laurier. Les Indiens sortaient à un moment donné. On était sur un barrage de castors en train de pêcher avec mes vieux chums. Les Indiens sortent et disent « Oh, les Tostitos! » Je te jure, écoute, ça fait pas d'allure. Non, mais sérieux, ta recette là, de Tostitos à la viande fumée, là... La plus cliquée en Amérique du Nord. Hein? Écoute. Ah, pour vrai? Ouais. Écoute, pour une recette de Tostitos, c'est moi qui les ai toutes faites. On a 75 000 clics, je pense. Quand même. Une recette de Tostitos. Quand même. Faite au Québec, là. Non, mais c'était écœurant, ça, là. C'est simple, là, au bout, là. Ouais. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un four. C'est exactement ça. Je prends du smoke meat, puis c'est parce que moi, je fais un mélange de moutarde, mais qui est super hot. Je mélange un petit peu de sirop d'érable avec la moutarde, puis de la mayo. Sirop d'érable, il est vendu. Oui, ben oui. J'ai fait une crise sur sirop d'érable. Mon gars, ça prend deux minutes, puis après ça, tu mets des petites branches de nettes, si tu veux faire fancy, ou sinon, tu haches un petit peu de pickle, c'est tout. Mais moi, la nette, c'est vraiment juste pour la déco, là, mais pickle, mayo, qu'est-ce que j'ai dit? Viande fumée. Ouais, smoke meat. Smoke meat, puis Tostitos. C'est hot, là. C'est vraiment hot, là. C'est bon dans la bouche. Là. C'est des Tostitos, là, genre en cuillère scoop, ça. Ouais, les scoops. Ouais. Ça tient mieux, on peut en ramasser plus, là. Ouais, non, c'est carrément. T'as pas encore réussi, j'imagine, à faire, parce qu'un jour, il va falloir que tu réussisses à trouver une recette qui combine Nutella puis Tostitos, là, des deux produits que tu... Oui, j'en ai fait une, c'était avec un fondant au chocolat. Malade, tu vois? Wow, ça fait exploser le cerveau. Ouais, non, je te jure, tu mets un jaune d'œuf que tu mélanges avec du Nutella. OK. OK, puis tu mets juste un petit peu de crème, tu mélanges les trois ensemble, c'est rien. Puis tu verses ça dans ta Tostitos, puis tu le cuis au four 15 minutes. Puis le sucré salé, c'est vraiment hot. J'ai fait ça pour le gala Tostitos je pense qu'on est à New York. Parce que les Américains nous en est, on est en liste pour la meilleure pub de l'année, là. Tostitos, oui, les Anglais, ils l'ont adoré. Ben, ici, il y a plus de personnes qui étaient capables d'écouter, mais là-bas, ça marchait. C'est rendu une icône, là. Vraiment? Viens de moi. Le roi, oui, Monsieur Chips. T'as fait des pubs, t'as fait des émissions de télé. Au dernier comptage, je pense que t'es rendu au-dessus de 500. Ça a dû changer de centaine. T'es peut-être rendu à 600, je sais pas trop quoi. Émissions de télé ici en France, entre autres. Est-ce que c'est difficile de rester à un niveau aussi paresseux après autant d'émissions? Comment est-ce qu'on fait pour rester paresseux? Parce que t'as sûrement envie de rajouter des étapes et de rendre ça un petit peu plus compliqué, mais faut pas... Mon père avait un restaurant, avait le premier restaurant de Saint-Sauveur dans les Laurentides. Fait que je suis né là-dessus, là. Tu sais, je suis né dans un restaurant, là. Moi, je cuisinais à 7 ans sur une boîte à lait, là. Mm-hmm. Tu sais, pour être à la hauteur des poêles à gaz. Mm-hmm. Puis, j'ai commencé à faire mes premières sauces. Puis, tu sais, on avait des pâtissiers, des boulangers, il y avait tout, là. C'est des gros restaurants, là, que mon père avait. C'était un français d'origine. Okay. Et moi, j'étais fait en haute mer sur le bateau par une maman italienne, par pas français. Je suis né ici, puis ils se sont mariés comme bien, bien vite, là. Parce que, tu sais, j'ai quand même 48 ans, là. Ça veut dire que si je vous ramène dans ces années-là, là, la tare religieuse, c'est épouvantable. Ouais, ouais. Je veux dire, écoute, si t'étais pas marié, puis t'avais un enfant, c'était fini, là. C'était tout juste si t'étais pas brûlé sur la croix, là. Tu sais, dans les années, moi, je suis né en 66. C'était assez élevé. Donc, au restaurant, il y avait toute cette complexité qui, à un moment donné, je trouvais lourde, puis tout ça. Puis mon père, il y avait une journée de congé, c'était le lundi. Puis lundi soir, papa, là, il prenait une petite enveloppe de sauce demi-glace, là, Nord Suisse ou Lipton, là. Il patentait ça, il mettait un petit peu de vin, il écrasait du poivre, il nous faisait des steaks au poivre, il nous faisait des langoustines, il nous faisait des gâteaux en 5 minutes. Puis moi, j'ai toujours dit que la cuisine, quand je la travaille pour faire des menus, oui, c'est un peu plus compliqué, mais la cuisine qui me rend le plus à l'aise, la cuisine avec laquelle j'adhère le plus, c'est la cuisine où avec les produits que tu as dans ton armoire. Quelque chose de spontané, rapide. Mais tu sais, tu ouvres ton frigo et tu dis « OK, on va mélanger ça avec ça. On va ouvrir nos armoires, tu sais, on va mélanger ça. » Puis moi, c'est ça mon trip, c'est avec presque rien d'essayer de faire quelque chose qui est vraiment trippant. Puis aussi, dans le fait de faire des recettes rapides, quand on reçoit nos amis, on a plus de temps à passer avec eux, sont tout aussi impressionnés par ce qu'on a fait, sont contents de venir manger chez nous. Ouais. On a le temps de passer du temps avec eux autres, parce que c'est ça aussi le bonheur de manger, c'est de passer du temps avec notre famille. Donc ça serait vraiment une bonne option, ce livre-là, pour nous inspirer dans nos soirées comme ça. Ouais, t'as tout à fait raison. Non, c'est parce que tu me parles d'avoir beaucoup de temps, puis moi, tu sais, je pense toujours à ce temps-ci de l'année, là, tu sais, moi, ce qui est le top, c'est toujours les mijotés ou les raclettes. Mais tu sais, les mijotés, tu sais, donne un truc, un mijoté, il n'y a rien de plus simple à faire que ça, mais comment tu peux le rendre gastronomique ou... Je pense que ça, c'est dans mon chapitre, comment ça s'appelle, c'est mijoter et roupillon, une affaire comme ça, parce que je dis toujours, les mijotés, tu t'en vas faire aussi, si tu le mets à mijoter, puis ça sent bon, là, puis du ronfleur, je sais pas quoi. Je sais qu'il y a une section ronfleur, là. Ouais, écoute, ils ont toutes. Mais, tu sais, juste comme un mijoté, là, tu vas prendre ce qu'il y a le moins cher, n'importe quelle viande, de toute façon, ça ne change rien. Tu sais, tu vas mettre un petit bouillon, tu mets un paquet de légumes dedans, puis tu laisses mijoter. Puis après ça, c'est juste des arômes, comme des idées. Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre juste tout simplement des bleuets déshydratés ou des raisins secs ou des abricots déshydratés dans un mijoté? C'est hallucinant, parce que ce que ça va faire, c'est qu'il va se réhydrater dans ton bouillon. Ton fruit va devenir tout gonflé. Puis quand tu vas le croquer, tu vas avoir un goût de sucré, puis tu as toujours le bouillon là, qui va avoir mijoté, qui va t'exploser dans la bouche. Ah, ouais. Fait que moi, presque toutes mes mijotées, j'ai mis une inspiration comme ça, qui est une inspiration nord-africaine. Mm-hmm. C'est très maghreb. Ça, de mettre des petites amandes grillées de temps en temps, tu as des cachous aussi. Il t'en reste une quinzaine ou une vingtaine. Pourquoi tu les fous pas dans ton mijoté? Ils vont juste se ramollir un petit peu comme les Asiatiques font, puis c'est complètement capoté, là. Wow! Délicieux! Ouais. J'ai faim. Non, moi aussi, j'ai faim, là. Hey. Non, mais en plus, vous êtes vraiment... Ça sent que vous aimez la bouffe. Ah oui. Ah, ouais, lui, il n'aime pas l'affaire, il aime juste la manger. C'est ça. Elle fait de la bouffe dans sa chronique, comme je disais en début de chronique, MasterChef. Elle fait des chroniques à chaque semaine, puis c'est moi qui, c'est entre autres, qui y goûte, puis c'est ça qui me fait triper, goûter plus que faire, parce que je ne ferais jamais ça. Justement, côté facilité d'exécution des recettes dans le livre. Tu cotes les recettes sur une échelle de facilité. Il y a facile, trop facile, très facile, super facile. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre trop facile puis très facile? Puis... Attends, t'as oublié celle que j'ai mis en arrière c'est du livre. Facile avec les yeux bandés. Ah, okay. C'est bon niveau, ça. Moi, ce que je faisais, c'est qu'à un moment donné, je demandais comme à Eric. Eric, qui est un cuisinier, mais tu sais, qui cuisine comme c'est pas son métier comme moi. Puis il prenait des photos. Puis tu sais, quand t'arrives à faire de 12 à 16 photos par jour, puis que là-dessus, on trouvait le moyen de se faire de la bouffe pour manger, c'est au lieu de 4-5, c'est parce que... Est-ce que ça va l'air facile? Est-ce que ben, c'est parce qu'en plus, t'en faisais entre les recettes. Tu faisais des recettes d'autres. Ben, il faisait des dérivés. Hey, goûte à ça, j'ai mélangé deux affaires en même temps. Tu sais, fait que, parce que le temps que moi, je prenne une photo, ben lui, il travaillait sur 4-5 recettes en même temps. Couper les affaires, tu sais, puis mais il faisait goûter à des choses entre les recettes, des dérivés, fait que parce qu'on avait du fun, tu sais, parce que tu peux pas faire autant de photos pour autant de recettes de même puis t'emmerder, fait que manger c'est plaisant, puis c'est ce qui m'a fait découvrir, c'était vraiment trippant, là. Il faisait goûter à plein de petites sauces, plein d'affaires, les ingrédients faut qu'ils soient bons en partant, c'est sûr, comme vous parliez tantôt, mais tu sais, faut s'amuser aussi, cuisiner c'est le fun, c'est parce que tu récoltes le fruit de tes efforts à la fin. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir lui faire une recette qu'il n'aura jamais vue puis lui apprendre quelque chose. Puis toi, tu vas pouvoir prendre des photos. Mais là, je veux le verdict. Ben, facile, très facile ou facile avec les yeux bandés? C'est facile parce que faut pas que ça soit... C'est pas très facile parce qu'il faut que tu mettes un peu d'effort aussi. Grilled cheese, mettons. Non, ben, c'est parce que c'est pas le même goût qu'un grilled cheese non plus. C'est une autre gamme. Il doit y avoir des grilled cheese fancy là-dedans, quelque part. Oui. Il y a des croque-monsieur hallucinants. Ouais, croque-monsieur hallucinants. J'en mangerais un, là. C'est pas ben plus compliqué faire le croque-monsieur qu'un grilled cheese. Là, ouais, ouais. Sauf que la récompense, c'est une autre affaire. Là. Ben oui, c'est une coche au-dessus. Là. C'est ça. Puis, t'as des recettes que tu t'attendrais pas d'avoir certains ingrédients ensemble, comme j'ai vu un dessert aux avocats, tu t'attendrais pas à ça. Ça a l'air bon, ça aussi. Je veux dire, les mayonnaises sont capotées aussi. Là, c'est comme tu dis, les maillots. La mayo, c'est la base. Hein? Le mayo, c'est quoi? C'est trois ingrédients. Des œufs, de la moutarde puis de l'huile. Ah oui, c'est super c'est facile tout. À mais faire. Quand tu as compris comment faire ta propre mayo toi-même, qui est 100 fois meilleure... Je comprends même pas pourquoi qu'on en achète. Ben non. Mais c'est parce qu'après ça, c'est toutes les dérivés que tu fais avec la mayo. Ben c'est ça. C'est capoté, fruits, là. C'est parce que tu vas manger ça à cuillère. Là. Quand t'en fais ta mayonnaise, là, tu vas manger à cuillère après. Là. C'est fou, là. Alors que de la Hellmann's, mais t'as pas ça à cuillère dans la bouche. Non. T'as essayé? J'ai essayé. Pas une cuillère, mais un couteau. Juste au complet dans la bouche, c'est pas bon. Ouais. Non, c'est ça. Plein de pages, plein de photos. Il y a une photo par page. Là. Les recettes ont chacune leur propre photo en format gigantesque, la page au complet. Et c'est un gros livre volumineux qui est disponible depuis le mois de septembre. Mais ça prend des photos, c'est ça qui met en appétit. Mm-hmm. Moi, un livre de recettes, pas de photos, ça va être les meilleures recettes au monde, je l'achèterais pas. Parce que ça... Tu manges avec les yeux, donc ça prend quelque chose pour te mettre en appétit. Puis c'est pas nécessairement tout le monde non plus qui peut lire une recette puis se douter un peu de ce que ça va goûter. Donc ça prend un visuel là, qui d'ailleurs magnifique dans ce livre-là. Là. Écoute, je suis en train de te regarder là, puis je dis... Hey, je ressemble même... à ça? Non, mais je sais pas. Meilleur que la pomme... Tu connais ça? La pomme de terre dauphine? Écoute, il y a c'est pas gratiné, ça, c'est pas la dauphinoise. Non, des fois qu'on dit ça, c'est pas la même chose. Non, rien à voir, je t'explique. Ouais. T'as un restant de patates pilées. OK. OK? T'ajoutes de la farine, des œufs, du fromage, puis du bacon dedans. OK? OK. C'est rien compliqué là-dedans. Non, là. Je pense okay? que c'est elle ma recette. Là, moi, celle-là, je pense. J'échange d'idées à chaque fois. Oui, Eric, c'était drôle. C'était ma nouvelle recette préférée 16 fois par jour. De l'instant présent. Mais écoute, Mathieu me fait ça à chaque fois que j'amène une recette. Ben, moi, j'ai un top 5 qui n'est composé que de première position, puis j'en ai comme 1000 à chaque position. Ouais, c'est comme des ex-écho de. C'est n'importe quoi. C'est pas genre, c'est ça. Fait que regarde, ce recette-là, là, tu prends les patates pilées. Tu rajoutes du bacon dedans, un peu de fromage, des œufs, de la bacon. Farine. Okay? Bacon. Après ça, tu fais des petites quenelles. Des petites quenelles. Ouais, là, ouais. Ouais, tu fais des petites boules comme tu veux. Tu le fais frire. Oh. Tu manges ça, là. C'est fini, là. Tu sais, je pense que j'ai marqué meilleur que la pomme dauphine. J'en mangerai au petit déjeuner avec les œufs, au dîner claqué. J'en mangerai le soir avec un steak. Tu te baignerais là-dedans tellement que c'est bon. Puis ça, c'est avec un restant de patate pilée. Ça se garde, hein. Puis ça se garde, là. Puis c'est hot, ça. Ça, vraiment, là, tu veux faire quelque chose de hot, là. C'est ça. Non, c'est fou, tu sais c'est moelleux livre, en dedans. Là. Tu sais que le livre à date, c'est, ça fait 3 semaines qu'il est sorti. Moelleux. C'est fou. C'est les, en ce moment, c'est les mamans qui l'achètent le plus. OK. Ouais. Puis c'est pour qui? Pour leurs ados. Ouais, ouais, exactement. C'est ça, parce que c'est l'enfer. Ouais. C'est à date, puis moi, ça serait mon plus grand bonheur. Là. De toute façon, ça pourrait continuer comme ça. C'est que c'est les jeunes qui cuisinent avec. Mm-hmm. Ça veut dire que si les jeunes qui sont forcément plus évolués que nous autres, sont plus vite. Mais non, mais c'est plus vite, là, tu sais. Ils sont plus sur Facebook que toi, mais. Ouais, c'est en plein ça, là, tu sais. Si eux autres, ça marche, ça veut dire qu'à quelque part, ben, je suis un cuisinier 2015. Tu sais, moi, c'est comme ça que je vois. Non, mais à un moment donné, c'est que c'est ton meilleur test. Parce que nous, notre génération, qu'on la cuisine, tu sais, c'est correct. Mais je me dis, si c'est assez rapide pour aujourd'hui, puis si ça fait triper la nouvelle génération, c'est parce que j'ai réussi quelque chose. C'est ça, c'est qu'on veut triper en cuisinant, on veut avoir du fun à le faire, là, toute la production de cuisiner, mais tu veux pas que ça te prenne 1000 ans parce que t'es occupé. Puis dans le fond, ça vise les jeunes, les étudiants en général, les personnes qui sont occupées, qui ont pas envie de trop mettre de temps là-dessus. Ouais, c'est t'as une famille, t'as un travail. Si t'es aux études, des fois, t'es aux études à temps plein et t'as un travail à quasiment à temps plein. Ouais. Mais t'as le goût de bien manger, là. T'as pas nécessairement le goût de manger. C'est fin de journée, t'as travaillé fort, t'as tente pas là, de commencer à faire de quoi de trop compliqué, trop complexe. Ça arrive à n'importe qui, même quelqu'un qui a pas d'enfant ou qui est pas aux études. Ça arrive là, que ça te tente pas. Là. Mettons une recette en général dans ce livre-là, ça doit pas dépasser, je sais pas. Les plus longues, c'est 15. Demi-heure, ouais, c'est ça. 15 minutes les plus longues. Mais ça, c'est de préparation. Ah oui, oui, oui. Mais quand ouais. ça cuit, tu fais n'importe quoi d'autre. Non, c'est ça, ça dépend. Puis les plus, si tu vas dans le chapitre ado, c'est du 5, du 7, du 8, du 9 minutes. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a rien qui, genre, tu vides un sachet, tu mets au micro-ondes. Là, non. On n'arrivera jamais avec ça, mais de toute façon, comme disait Eric... Je veux dire, c'est bon, là. C'est vraiment bon dans la bouche, là. Puis, tu sais, il y a des chapitres qui sont super le fun. C'est le chapitre végé. Mm-hmm. Il est vraiment écœurant, là. Tu sais, je veux dire, quand je vois, là, Fontaine Santé, là, un petit cop, là, 4-5 piastres, là, pour avoir une mayo tofu, là, ça n'a aucun bon sens, là. Tu peux t'en faire 1 kilo pour le même prix, là. C'est rien, là. Mais t'as tes trempettes au tofu là-dedans, tu peux te faire tes crotons, tes végés pâtés, ça prend 5 minutes, là. Faut juste avoir confiance un peu en ce qu'on fait. Ben, c'est simple. Ouais, c'est ça qui me manque. C'est plus long souvent d'aller chercher les produits à l'épicerie que de faire la recette. C'est ça que ça veut dire dans mon cas. Ben oui, clairement. Si tu regardes les ingrédients, il n'y a jamais comme 30 ingrédients. Puis les méthodes, là, les instructions, c'est jamais super compliqué. Des termes qu'on ne connaît pas, c'est mélanger, brasser, ouvrir. T'sais. C'est abordable. C'est, on n'a pas besoin d'avoir fait son cours non, en cuisine. Regarde-tu là, la trempette au tofu. Hein. Ouais, non, c'est ça qui est le fun. C'est tellement bon, ça. Y a-tu des ingrédients qui... T'as-tu des ingrédients fétiches, là? À part Tostitos, mettons. Par exemple. À part Tostitos, un ingrédient fétiche qui revient sur... Ah, attends, t'as passé devant mon fish and chip. Le fish and chip. Ah, ça, je vais en entendre parler du fish and chip. Je viens de trouver ma nouvelle recette. Ma mayo tartare, là, c'est ça. C'est une belle recette préférée. Mais moi, pour vrai, là, genre, j'arrive à la cafétéria et je fais comme, hey, wow, un fish and chip, mais c'est pas bon, là. Ah non, mais écoute, il n'y a rien là, mais tu peux t'acheter un sachet, là. Tu t'achètes de la pâte tempura. Mais moi, c'est 2,39 $, là. Tu verses ça avec un peu d'eau, là. Tu trempes tes bâtonnets de poisson là-dedans, tu les fais frire avec mes frites maison puis ma mayo tartare. Ah, wow! Des points de cheddar puis du bacon. Ah, les patates grillées, bacon cheddar, oui. C'est ça, nouvelle référence. Mais là, je t'ai pas encore répondu, toi. Non, on parle. Donne-moi un coup de pied de temps en temps. Pang, ça, en dessous de la table, j'arrête. Un ingrédient fétiche, ce serait quoi que je répète souvent? Moi, j'aime beaucoup le fromage, c'est sûr. Ouais, le fromage. Fromage, c'est j'en fais une maladie, moi. Mm-hmm. Mais puis je sais que ça vaut cher. Fait que souvent, j'essaye de trouver des trucs ou des passes là, pour. Mais moi, là, s'il y a du boursin en spécial, s'il y a du cream cheese, je fais n'importe quoi avec ça. Là. Ouais, je prends un cream cheese, je te fais une mousse aux fraises, je te fais un gâteau au fromage, mais je vais te faire une sauce rosée pour mettre dans tes pâtes. Je vais te mettre un. Hey, regarde, la bolognaise, t'en mets dedans, il n'y a rien de meilleur que ça. Ouais. J'ai faim, j'ai faim. Mais pourquoi on fait ça le matin? On se torture. Ouais, comme c'est effrayant. Ben moi, je le savais, je suis allé déjeuner avant. Tu fais bien. Okay. Moi, je vais arriver tantôt à la cafétéria encore avec un repas de. Sinon, je salive ben trop. Ah ouais, ça aussi, c'est effrayant. Mais puis je vois que. Je pense qu'il y a beaucoup de recettes là-dedans pour les lendemains de veille, là. Sérieux, là. Je pense que les étudiants vont particulièrement se retrouver dans ce livre-là et j'espère qu'il va y avoir des projets dans le futur entre le cuisinier paresseux et les étudiants et les universités. On ne peut qu'espérer, Clé-de-Clé-de. Bon, ben écoute, ça me tente. On en parle-tu un peu? Vite pourquoi fait. Pourquoi pas? Ben, on est en train de regarder ça. Je vous en parlais un petit peu en ronde, là, mais le paresseux, j'aimerais ça faire le paresseux au campus. Ça serait probablement un projet qui s'en viendrait, un projet peut-être téléweb. Ça me ferait vraiment triper. Ça serait cool, ça. Ça serait vraiment débile. Venir cuisiner live, puis de faire des trucs, mais vraiment avec vous. Là. Je veux toujours être avec toi. Collaboration, tu sais, photo, web. Puis j'ai une gang, l'ancienne gang de Surprise Surprise qui serait bien intéressée par ça. La gang de TVA, ouais. C'est qui disait, cool. Hey, on ferait quelque chose de vraiment hot, mais pour le web, puis pour la télé, faire quelque chose de vraiment dynamique, de quelque chose de jeune. C'est un projet. Je lance l'idée. Si quelqu'un a des bonnes idées, ben... Ouais, je pense que ça peut mener vers quelque chose de très, très intéressant. Ça va être la future rockstar. Ouais. Hey, est-ce qu'on est Facebook, nous deux? Ben, je pense pas. Non, parce que moi, on m'a dit que j'étais un gros has-been parce que j'avais genre juste 4-5 000 personnes. Là, c'est pas moi qui ai dit ça, là. Je me suis dit, mais écoute, je m'efforce depuis ce temps-là. On va tous se mettre sur la page Facebook. Donc, on cherche le cuisinier paresseux. Le cuisinier paresseux, tout simplement. C'est génial. Et on se procure le livre qui porte le même nom, Le cuisinier paresseux, qui est en magasin depuis le mois de septembre, donc quelques semaines à peine. Ça fait 3 semaines, puis c'est important de le dire, il est vraiment partout magasiné, parce qu'il est chez Costco, il est chez Walmart, il est chez Jean Coutu, Renaud-Bray, Archambault, on est vraiment partout. Il est facile à voir, il est gros format avec la grosse photo de toi dessus. En pyjama. En train de lancer, je pense, des oignons verts, ou je sais pas ce que c'est, dans un chaudron. On peut pas le manquer, Nicolas Moreau, Le cuisinier paresseux. T'es bien instruit, oignons verts. Ouais. J'ai dit comme faux. Surprenant quand même. Tout le monde dit une échalote. Ben non. Je sais pas pourquoi. Une échalote verte. Franchement, c'est pas mon genre pantoute de dire des faussetés et de me faire reprendre par Steph aux 3 secondes. Non. Ça, c'était bon. Hey, ok, d'autres recettes. Ah ouais, ça aussi, t'aimais ça. C'est quoi celle-là? C'est cassolette d'escargot sauce Gigi. Okay. Wow. Ça, c'est le fun d'avoir quelque chose de différent avec des escargots. Pas des ex-cargots, pas des anciens cargots. Mais le jambon de Noël de ma blonde, il était écœurant. Oui, mais c'est ça. En plus, t'es un homme avec genre de ma blonde ou genre. Ben oui, c'est ma blonde qui l'a fait. Puis la top des tops, là, je l'avais faite à mon émission AV. C'est mes bines de Noël. c'est cœur. Ah, c'est ma prochaine recette. De Noël, je vous jure, vous faites ça. Là, ça, c'est vraiment, vraiment hot. Est-ce que je peux en faire même si c'est pas Noël? C'est le but, oui. C'est le but. Surtout toi, il n'y a pas de problème. Tu ne t'offres jamais jusqu'à Noël, c'est impossible. Les gaz vont durer jusqu'à Pâques. Est-ce qu'on te retrouve, question à Nadine, comme ça, à la télé en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose? VTV, avec Alain Dumas toutes les fins de semaine, le samedi. C'est ça. À Aubaine et compagnie. Exactement. Truc et compagnie, Aubaine et compagnie. Ouais, c'est ça. On est toujours là. C'est pas mal, là. Oui, en ce moment. Ouais. Non, j'ai pas le droit de parler du reste tout de suite. Il y a trop de projets en ce moment. Mais t'es bien occupé avec ton lancement de livre aussi. Là, il y a le lancement de livre, ouais. Tout ce que je fais, c'est ça. C'est pas mal. Non, le reste on va se garder une gêne pour la prochaine fois. Ben, c'est ça. T'as quoi, 8 entrevues aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on en a 40 en 4 jours. Et la préférée d'Éric, c'est évidemment celle-ci jusqu'à la prochaine. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, il m'a amené à la porte. Il m'a amené à la porte, en plus. Et puis, tu l'as-tu annoncé? Non, mais je voulais le plugger. Il est vraiment hot, là. Écoute, là, sa femme va peut-être accoucher, puis regarde où ce qu'il est. C'est ça, sa femme. Il est ici, là. Elle peut accoucher d'une seconde à l'autre, là. Il se donne, là. Ouais. Non, ben oui, c'est sûr. Mais c'est The Photographe. Hein? Oui, ben, plugons le photographe en tant que tel. Est-ce qu'on peut te trouver à quelque part, site web, quelque chose? Oui, ericmascotte.com. Okay. Mais on a fait bien des photos ici à Trois-Rivières. On a fait tous les desserts à la cabane à sucre de ses beaux-parents. Là. Ouais. Fait que non, c'est le fun parce que ça me prenait juste 15 minutes à aller travailler. Ce qu'on a fait à Saint-Jérôme aussi, des photos. Non, on est bien. Non, c'est pas mal le fun. Ouais. Donc, on a eu bien t'as aimé ça, hein? T'es un petit peu nostalgique que ça soit fini, hein? Ah oui, j'ai pris du poids, comme je disais tantôt, là, mais... Moi, ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident de s'en retenir avec autant de belles bouffes. Ah oui, on a non, vu photo, là, si vous n'allez pas chercher ce livre-là immédiatement, là, vous allez le regretter le restant de vos jours. Vous êtes, je dirais, des has-been losers, si vous allez pas chercher ce livre-là. C'est clair que c'est dit. Tenez-vous-le pour dit. Donc, Éric Massicotte, photographe, merci. Oui. Nicolas Moreau, le cuisinier paresseux, merci. Merci. Et vous repassez quand merci à vous voulez. Ah, c'est le fun. On va venir à Chaland, nous, on aime ça. Tout le monde en avant. Comment? Non. On va venir à Chaland, là. On aime ça, nous. C'est ce qu'on demande, hein? C'est ce qu'on demande aux gens d'être le plus achalant possible. À date, on fait très bien ça avec certains chroniqueurs. C'est pas vrai. Ça, c'est une pile contre des chroniqueurs, mais c'est faux, complètement faux. Donc, Nicolas Moreau, cuisinier paresseux, on va se quitter là-dessus. Merci énormément. Merci. Passez une bonne fin de journée. Sûrement les autres entrevues qui doivent, j'imagine, suivre après nous. Pendant qu'on écoute Dee Mannequin, voici Sucker Punch sur la palmarès anglophone. Vous êtes à l'assemblage Ricky. Avec Way to be Loved. Avant, c'était Sucker Punch de Lee Mannequin. C'est là-dessus que se termine cette édition allongée d'Assemblage requis. C'est fini, on parle plus de bouffe. Mais demain, on va continuer de parler de bouffe parce que j'ai pas eu le temps de faire une grosse pointe en adresse aujourd'hui. Puis il y a Master Steph demain. Bien sûr, l'émission où on cuisine les recettes les plus décadentes du net. C'est ça le slogan. Ouais. Alors que moi, une grosse pointe en adresse, c'est l'émission où on mange n'importe quelle affaire qui nous tombe sur la main. Sur la main. Sur la main. Ou sous la main, dépendant d'où vous mettez vos mains. C'est pas notre problème. Demain aussi, à l'émission, on va avoir Marie-Laurence Audet qui va être avec nous pour sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. C'est demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, je vais être de retour à 13h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, suivi de Rock Classique, ça c'est pas moi par exemple, avec Alain Lefebvre. À 19h, c'est Réanimation. Progression chaotique suivra à 21h. Passe une bonne journée, Stéphanie Paradis. Mais toi aussi, Mathieu Plante. Merci à Charles-Antoine Rioux. Oui. Hey, Nicolas Moreau, le cuisinier paresseux. Et Éric Massicotte, son photographe. Oui. À demain. Bye. Le professeur et Marianne sur l'île de Grillard.